bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h30, 22h, pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, ce soir plutôt, grosse émission chargée, puisque nous allons revenir avec mes collègues sur l'après-match de ce magnifique match de la 27e journée de Ligue 1, match en retard qui s'est déroulé mardi soir à 19h au nouveau stade René Galis Matmut Atlantique. Les Girondins se sont inclinés sur leur pelouse façon Montpellier Hérault Sporting Club 2-1. On va évidemment débriefer ce match et revenir dessus pour ce qu'il y a à retenir du moins. On parlera de ce qui attend demain les Girondins. Un autre match pas évident à négocier, ça se passe à 20h au stade Louis II de Monaco, 28e journée. Bordeaux va devoir essayer l'exploit. Non, pas l'exploit, mais ne serait-ce qu'un point à l'extérieur, ça serait déjà pas si mal. Et en attendant, évidemment, alors avec Eric Bédoué demain, en attendant l'arrivée du nouveau coach des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, qui, alors, c'était censé être officialisé vendredi. Vous allez me dire, il est que 20h30, il reste 2h30. Avant minuit pour officialiser, ça peut peut-être tomber à tout moment dans l'émission. Il était à Mérignac cet après-midi, il est à Bordeaux. Pour l'instant, c'est pas officiel, ça le sera peut-être ce soir. Il y a une panne de tram, je vais te dire un truc, que ça soit officiel aujourd'hui ou demain, ça change absolument rien. Il y a une panne de tram que l'autre interdit. Vu que de toute façon, il pourra pas être coach demain, donc alors, quoi demain, qu'il arrive, ça ne change rien. Il est entre Quinconce et Saint-Nicolas. Il coachera sûrement dimanche prochain contre Rennes, et puis voilà. Puis de toute façon, le seul risque qu'il y avait, c'était qu'il signe à la Roma. Il y a Ranieri qui a signé à la Roma. Mais il est fougueux, qu'est-ce que tu veux? C'est un fougue de la jeunesse. On l'appelle Stifler. On est très très large ce soir. Tranquille, il y a le temps, pépère. On va prendre le temps. On vous rappelle que si vous nous rejoignez depuis la semaine dernière, il n'y a plus de chat. N'allez pas sur le chat, il n'existe plus. Enfin, vous pouvez toujours écouter l'émission via internet, mais le chat a totalement. Mais par contre, il y a le hashtag DirectGA ou directement vous pouvez nous citer si vous voulez réagir. On est présent sur Twitter. Exactement, comme vous l'a dit Cyril, hashtag DirectGA. Je crois que sur Facebook, on est également présent. On a une page Facebook, Girondins. Oui, oui. Voilà pour vos réactions. 05 56 35 31 31 si vous voulez réagir en direct avec nous. On va commencer par Montpellier. Donc si vous voulez débriefer avec nous ce match de Montpellier, le match de mardi, vous nous appelez. Si vous voulez parler, c'est bon. Si vous voulez parler de, voilà, tu peux raccrocher. Avec moi ce soir, vous les avez déjà entendus, mais je vais quand même vous les présenter. Il y a Adrien. Salut Adrien. Comment ça va? Ça va comme un vendredi. Répète ce que tu viens de dire. Ça va comme un vendredi. Voilà, avec le micro allumé, c'est mieux. Ça va comme un vendredi. T'es quoi là, toi? C'est vacances, pas vacances? T'es quoi là? Non, c'était la semaine de reprise. Oh putain. J'ai une semaine de vacances, quoi. T'as au moins travaillé 2 jours, ouais. Non, mais en plus, il faut que je fasse d'autres choses à côté. J'ai des projets. T'as des projets? Non, je rigole. Il fallait que je fasse Non, c'est le mec. Non, je rigole. J'ai une vie de merde. non, mais j'avais d'autres occupations. Ouais, j'avais des projets. Il fallait qu'il regarde Super Dragon Ball Z. Et le 13, c'est la semaine prochaine. Ça sort oui, en français. Puisque. Non, mais c'est bon. De toute façon, tu les as vus en japonais. On est allé le voir en japonais avec Adrien. Ouais. Mais c'est pas pareil. Honnêtement, c'est mieux en français. On l'a vu en japonais sous-titré. T'as vu que c'est C17 qui gagne le tournoi du pouvoir? Ah, on parle pas de ça. Attends. Lui, il a pas vu. Perso, je m'en contrefous. Il a déjà oublié. Déjà, je vais oublier. Et de deux, ça m'empêchera pas de regarder. Bon, de toute façon, s'il y en a qui sont spoilés, c'était il y a un an et demi. Mais le 13, Cyril, toi, c'est. Bah oui, t'étais en. Mais je l'ai pas vu. Si tu l'as pas vu, franchement, va le voir. Parce que c'est. Déjà en japonais. Ça claquait bien. À part si t'es épileptique. À part contre, si tu vas pas. De toute façon, il atteindra pas le. Si vous êtes assujetti à l'épilepsie, n'y allez pas. Il a atteint le. De toute façon, il est dans le même état que dans la saison de Super Dragon Ball. Il a pas atteint le stade final qu'il a atteint dans la dernière saison de Dragon Ball. L'épisode se situe où alors du coup? Mais c'est à la fin, mais. Avant le tournoi du pouvoir ou après? C'est après. C'est après, mais il atteint pas l'ultra instinct. Mais néanmoins, si comme moi, vous suivez. Les diffusions de la télé que vous n'avez pas vu la Bienvenue fin. Sur Dragon Ball Analyse. Ouais. On a le temps ce soir. Et que vous n'avez pas vu la fin de la série, vous pouvez quand même aller voir le film, ça n'impactera pas. Enfin, non, moi, non, moi pas qui n'ai pas tout. Vu la fin pas de la tout. Série, le film se regarde très pas bien. Et de toute façon, ça va reprendre. Spoiler, aucun machin. Super Dragon Ball Z reprend. Oui, alors la série, on attend. Mais les épisodes français, ils reprennent. Mais y a pas, ils se sont jamais arrêtés, les enfants. Non, non, mais c'est parce que t'es en retard sur... Ça fait un an et demi que la série s'est arrêtée. Ouais. Moi, je le regarde tous les dimanches matin, j'ai un épisode. Oui, mais c'est parce que t'es en retard. Ouais, mais toi, t'as voyagé, le club Dorothée. Dorothée, elle est partie. Des fois même, je rate 3-4 dimanches exprès pour le 5e dimanche en avoir 4 inédits. Ah oui, sinon t'en regardes un. Bref, donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais qu'on allait... parler de Montpellier, oui, et Cyril, pardon, excuse-moi, oh là là, on est parti sur Adrien, sur Dragon Ball Z. De toute façon, les gens m'ont entendu. Bon, comment ça va la reprise? C'était ça la semaine, parce que Cyril avec un pull Game of Thrones. Cyril, c'est sa semaine de reprise après un mois. Non, c'était mois. La semaine dernière, la semaine de reprise. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est pareil, c'est comme semaine, c'est pareil. C'est quand même la reprise. Un mois de vacances, va falloir un mois pour t'en remettre, quoi. C'est... voire deux. Oh ben, on a vite fait d'arriver jusqu'à l'été avec ça. Ouais, oui. Je repartirai en vacances et je vais redéprimer derrière. Derrière, tu t'en remets jusqu'en décembre, vacances de Noël, et alors on est bon. Ah, et un petit papillon, salut papillon, de lumière sous les projecteurs du néon. Juste, j'ai posté 3 petits sondages donc, sur le compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller répondre, c'est sur l'arrivée de Sousa évidemment. Sur aussi les ambitions pour le mercato d'été prochain, Philippe Doucet est intervenu dans la semaine dans le Late Canal Football Club. Il a fait une palette. Non, il a sorti une info comme quoi Bordeaux envisagerait de recruter 10 joueurs pour l'été prochain, en citant que Varela était aux commandes. Donc un petit sondage là-dessus et le sondage habituel sur l'espoir de demain. Êtes-vous confiant? Match nul, victoire, défaite. Donc n'hésitez pas à répondre. Roost, pas roost, à voir. Didier. Oh, je voulais. Oh. Oui, pas mal. Oui. Subtil. On verra dans les pronos. Moi, je vais même vous donner ami parieur à vos stylos. Je vais vous donner le score et je vais vous donner 0-6. Le buteur. Non. Ouais, et remarque, c'est possible. Si on en arrive là. Non, 0-6. Si tu gagnes 0-6, tu gagnes 6-0. Ah, je croyais. Si on gagne 6-0, franchement, 3 buts de Depréville. Non, mais là. On attend que tu aies 1000. Ça ferait beaucoup trop d'émotions dans la même semaine. Il marquera les 6 derniers buts de la saison. Cette semaine de foot, c'est le monde à l'envers. Bref. Revenons à la dure réalité après avoir vu des beaux matchs en Coupe d'Europe, des retournements de situation avec des clubs français, sans des clubs français. Rennes qui nous a régalé face à Arsenal. Eh ben, on va revenir à. Voilà. On va avoir les pieds en plein dedans et on va y être bien. Retour à la Ligue 1. Qui dit Ligue 1 dit musique qui fait peur. Ouh, quelle jungle, fait peur cette musique, elle fait peur, elle fout la frousse. Heureusement, on va pas l'entendre encore très longtemps. Pourquoi ça marche pas? Ah, ouais, ça marche. Même elle, elle voulait pas venir. Plus que 10 fois. Plus que 10 fois et après on pourra peut-être passer à autre chose. Non, mais il faut qu'ils mettent une musique moins de l'angoisse, tu vois. Tu l'entends, c'est bon, putain. C'est boum, la chape de plomb. Tu sais que tu vas passer un sale week-end encore. Tu vois, t'entends ça, tu dis ouah. Bref. Les Girondins donc se sont inclinés face à Montpellier, c'était mardi. Match en retard de la 27e journée de Ligue 1. Défaite de buts, hein. Paul Lannes avait ouvert le score à la 20e minute. Thomas Bazic avait égalisé à la 35e. Et c'est Daniel Congré qui donne la victoire au Montpellier Héros à la 51e minute. Daniel Congré, déjà. Messieurs, alors. On va essayer quand même d'être constructif sans tomber dans le négatif parce qu'il y a quand même eu. J'arrive pas à comprendre, mais c'est comme Paris mercredi. J'arrive pas à comprendre comment on peut perdre demain face à une équipe qui n'a aucune occasion du match. Voilà, c'est à peu près ça. Paris, c'est Paris. On est du niveau de Paris. Une équipe qui a eu aucune occasion dans le match. Ah, mais nous, on n'a pas eu d'occasion non plus. Ah non, bah attends, je te dis pas qu'on a eu des occasions. Je te dis qu'on a perdu. Ce match, il aurait dû finir à 0-0 ou au mieux à un partout, tu vois. Jamais tu dois perdre un match contre une équipe qui a pas une occasion. Après, c'est le mental, quoi. On revient toujours au même. Voilà, mais bon, après ce match-là, c'est déjà le miracle que tu marques. Ah oui, non, mais on va rappeler les conditions de but. C'est un centre qui est très maîtrisé par Depréville, c'est-à-dire qu'il cherchait la lucarne opposée. Et le match, il doit finir à 0-0. Ça tape la hanche de Bazic. Le match doit finir à 0-0. Mais sauf que Montpellier maîtrise le premier quart d'heure. Premier quart d'heure, même 20 minutes, puisque tu me dis qu'il marque à la 20e minute. Il marque pile poil à la 20e. Donc, du coup, grosso modo, les 20 premières minutes sont Montpellier-Rennes. suite à ça, derrière, bah, ils arrêtent de jouer. Mmh. Et nous, on marque. Et derrière, on arrête de jouer. Non, t'arrêtes pas de jouer parce que t'as une domination stérile. C'est-à-dire que. Oui, c'est ça. C'est que t'as pas de rythme au milieu de terrain. Tu balances pas mal. Le seul joueur qui essaie d'amener un petit peu de vivacité, c'est Koundé qui a essayé de casser les lignes un petit peu. Mais franchement, c'est très très léger, quoi. Et puis, casser les lignes quand t'es à 50 mètres des cages, ça fait long à casser. Surtout face à une équipe qui joue 11 derrière. Parce que Montpellier, ils se sont regroupés. Mais il a dit à la fin lui-même, Der Zakarian, on l'a dit, ce match, il dit, c'est un mini-miracle, quoi. Après, ils prennent les 3 points. Et puis devant, ils se sont battus. Parce que, mine de rien, ils ont 2 attaquants, Laborde et Delors, c'est des chiens de la casse. Ils se sont battus sur tous les ballons. J'attendais, moi, d'être plus en danger par le trio Mollet-Laborde-Delors. Alors, Mollet passait totalement à travers son match. On l'a pas vu du tout. Mais il revenait, non. Alors que c'est un très bon joueur qui fait on le voit tous les week-ends faire des super matchs avec Montpellier. Moi, j'attendais. Déjà, je me disais dernière. Pas vivement qu'on soit en danger face à eux, mais je me disais attention à ces trois-là, ça peut nous mettre un petit peu le feu. Au final, Laborde, il a quand même été, je trouve. Non, mais Laborde, il a fait du Laborde. C'est-à-dire, à partir du moment où il a pas de ballon, il va aller chercher les ballons qu'on va lui mettre. Et mine de rien, il nous a fait vachement chier parce que Pablo a été pas mal de fois en difficulté sur les 1 contre 1. Sur les ballons aériens et compagnie. Delors aussi, il t'a fait des gros gros pressing et ça a été quand même assez douloureux. Et si, même s'ils sont pas dangereux, parce que à l'arrivée, hormis le centre de Delors qui trouve Paul Lannes, c'est la seule fois où on a vu les attaquants de Montpellier qui ont été dangereux. Et après, par contre, devant, ils abattent un travail défensif. Alors, ils se sont repliés aux 50 mètres. Et à partir du moment où tu rentrais dans leur moitié de terrain, t'avais deux chiens. Ça, on leur enlève pas. Ils défendent très bien. On continue de parler de ce match avec Adrien au téléphone. Allô, Tard. Salut, Tard. Bonsoir, allô. Monsieur. Ah. Salut, Tard. Tu nous entends? Ouais, bien sûr. Bon, Tard, ce match à Montpellier. Non, à Bordeaux. Match à Bordeaux contre Montpellier. Bon, écoute. Comme d'hab. d'habitude. Tranquille. Je suis fatigué, là. Je suis Allez, plus que 10. Plus que 10, et après, c'est les vacances. 10 matchs. On n'est pas sûr du maintien, hein, les mecs. Non. Je vais te répondre à la même chose que Kylian Mbappé. Ne vendons pas la peur. Ouais, bah, putain, eux, ils ont mis feu de salavande avant. T'as 12 points d'avance, il reste 10 matchs. Moi, je veux bien qu'on s'amuse à se faire peur. Non. Je pense qu'avec un nouveau coach, on va au moins réussir. J'espère. T'imagines, ça veut dire qu'il faudrait qu'on prenne aucun point en 10 c'est matchs. Ça. Moi, je veux bien, mais si on arrive à gratter 4 points sur 10 journées. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire. Que ça fait des semaines. Bah écoute, c'est très simple. La dernière victoire, c'est contre Toulouse. Ça fait combien de matchs? Bon, c'est pas 3. Si. Ça j'ai fait pas si loin. Oui, voilà. Ouais. C'est pas si. C'est pas. Ça fait pas si longtemps. Deux matchs. Il y a 3 matchs. Ça fait au moins 4 matchs. Comment 2 matchs? Ben si. Si. Mais non. Non. Ça fait au moins 4 matchs. Non. Attends, je suis en train. C'était il y a un mois. Non, parce que première semaine de Thaïlande. Attendez, je suis en train, s'il vous plaît. Début février. Bordeaux bat le Toulouse Football Club à la 25e journée. Nous sommes à la 28e. Donc c'était il y a 2 matchs, c'est bien ce qu'on dit. Ah, 3 matchs. Ah non, il y a Guingamp entre temps. Mais attendez, le match. Il y a eu Guingamp parce que le match. Et le match en retard qu'on a fait. Oui, Guingamp. Oui, bah 3 matchs alors. 4, que vous me dites, le mec. De 25 à 28 à la fois. Nantes, Guingamp. J'ai le calendrier sous les yeux. Nantes. T'es allé à l'extérieur aussi. Nantes, Guingamp, Montpellier. Ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné. Nantes, ben oui. Guingamp, Montpellier et Toulouse. Je vous dis que ça fait 3, j'ai le calendrier. Oui, mais ça fait 3 avant Montpellier. Oui, mais putain, on bat Toulouse décalé, là, la 25e journée. La 26e, on perd à Nantes 1-0. La 27e, c'est Montpellier, ça fait 3. Et vous rajoutez Montpellier, ça fait 4. Mais avant Montpellier, t'avais perdu 3 fois. Oui, là, mais bon, attends, écoute-moi. Mais ça fera sûrement 5 demain. Bon, rendez compte. Ce que je veux dire par là, c'est que là, en plus. Comme je vous ai dit la dernière fois qu'on s'est parlé, on va à Monaco, on reçoit Rennes qui marche sur l'eau en ce moment. Rennes en ce moment, c'est... Oui, ouais. Et on reçoit Marseille, je ne dis pas de conneries. Où est-ce qu'on va après? Il y a Amiens entre-temps et on finit le mois de mars et début avril par Marseille et Lyon, je crois, ou un truc comme ça. Oui, Lyon, j'ai oublié Lyon, exactement, t'as raison. T'imagines? Moi, je pensais qu'on allait prendre 3 points au moins face à Montpellier. Et demain, si on perd, c'est pas un problème. Tu les prendras là où tu les prends tu penses pas les prendre. Mais de toute façon, il te faut 4, 5, 6 points. On va dire 6 points, il te faut. C'est 2 victoires. 2 victoires sur 10 matchs, c'est faisable. J'aimerais qu'on revienne quand même sur certains choix de ce match face à Montpellier qui, moi, une fois de plus, m'ont... Et vous allez voir que j'ai un coup de gueule sur le match de demain, quand on parlera de Monaco en deuxième partie d'émission. On nous dit, Eric Bédoué nous dit, alors là pour le coup on peut pas dire Ricardo, hein, Ricardo il s'est fait dégager. Je vais mettre des joueurs d'expérience. Mais en même temps j'ai envie de dire à Eric Bédoué, les joueurs d'expérience t'en as que 3 dans l'équipe. C'est Costil, c'est Plazil et c'est Briand. Toujours le même. Allez, Sabali, hein. Et je vais rajouter Sabali, allez. Oui. De Préville. De Préville, Sabali n'a pas joué, il y avait donc De Préville, Briand. Non mais je veux dire, il y a que Sabali qui dire, est je vais mettre de l'expérience. Tu la mets depuis le début de saison. Non, mais ça veut dire quoi, expérience, t'en as Pablo, il est international brésilien, tu peux pas dire qu'il a pas d'expérience. Mais c'est ce qu'on fait de mais donc tous ces joueurs que tu me cites, ils ont tous joué depuis le début de saison. Donc c'est ridicule. Mais grosso modo quand il dit ça, c'est qu'il va remettre Plazil qui a été complètement mis au placard depuis le début de l'année, voilà. Il va falloir que Eric Bédoué m'explique la sortie de Basic et l'entrée de Camano qui une fois de plus, bref, après on va dire l'idée de sortir un milieu pour faire un attaquant, c'est Adli, pas... on le fait jouer encore une fois 10 minutes, voilà. On sait pas pourquoi. Maja, on fait jouer un quart d'heure, je comprends. Il n'y a plus aucune cohérence. Moi, je comprends les gars, c'est là où vous voyez qu'il n'y a aucune cohérence. Non, il n'y a plus de cohérence. Non, il n'y a aucune cohérence. On nous dit qu'on prend des mecs en devenir de bons talents, on ne les fait pas jouer. Je ne sais pas quand c'est qu'on va les voir. Premier point. Bah, peut-être point, avec le nouveau coach. Mais après, c'est comme pour Basic, on a mis 6 mois. Non, mais justement, oui. Basic, justement, c'est un scandale qu'il n'ait pas joué plus, ce mec. Mais c'est peut-être qu'il n'était pas prêt encore. Il n'était peut-être pas prêt aussi. Non, mais attendez, vous vous rappelez celui qu'on a transféré en Italie, là ? Le Rager. Eh bien, on l'avait mis au placard, je crois que l'autre entraîneur avant, et bien, comme par hasard, celui qui tenait à la maison. Le Rager ? Que ce soit pas technique ou pas, mais je veux dire, c'est un battant. Oui, disons qu'au milieu de terrain, c'était pas tout à fait au placard. Enfin, après question battant, le Rager, quand même, il est quand même à la base d'un des buts les plus scandaleux de l'histoire de Bordeaux. L'année dernière contre Strasbourg, quand Terrier traverse tout le terrain, et le Rager le regarde. Non, mais à un moment donné, on va pas me dire non plus que c'était un viking, le mec. Le Rager, c'est l'amour au premier regard avec Cyril. Force est de constater que depuis qu'il est parti, je suis désolé. On a un milieu de terrain qui est totalement... Mais c'est pas lui qui fait ça. Il était minable avant. On était moins minable. Non, je suis désolé. Le Rager jouait pas déjà au mois de décembre. Non, mais les mecs, je vois pas un truc là, un boulevard pour débattre de le Rager. Je dis simplement que là où c'est pas cohérent du tout, je rejoindrai Seb, c'est qu'on prend Adli... On le fait jouer 10 minutes. Comment tu veux voir si un mec il tient la route 10 minutes? Mais parce qu'il n'a pas les cannes. Oui, il faut le. D'accord. Bon, non, mais alors, tous ils n'ont pas les cannes alors. Non, parce mais t'as un gamin de 18 ans qui n'a pas joué, qui n'a pas un match pro quand tu le recrutes. Tu le recrutes 6 millions d'euros. Tu prends un joueur qui n'a pas une minute en pro. Donc à un moment donné, tu ne peux pas lui demander de faire 90 minutes. C'est Adrien. C'est Adrien qui parle. Non, c'est Cyril. Oh putain, vous êtes chiant. Ouais. Ah mais désolé, on est 3. Non mais attends, chaque fois je me plante, c'est pas grave. Ce que je veux te dire, il ne faut pas juste sauter sur les prénoms que je donne ou les noms. Je dis simplement, je rejoins Sébastien, j'ai pas fini. Quand tu te fais sortir le Serbe ou le Croate là qu'on a, pour me faire entrer Camano, mais je comprends pas l'organisation qu'il fait. Pourquoi il ne pas. Là je vous ai fait une composition. Vous allez me dire ce que vous en pensiez. Et moi, on ça le sait tous que tactiquement on n'y est pas et que Bédoué c'est pas l'entraîneur. Alors, derrière, je mets Costil, Palencia à gauche, Koundé, Pablo dans l'axe, Chabalé à droite. Je mets pas l'autre Pungier, il commence à me gaver, lui. Otavio, Sankaré, basique. Et éventuellement, on peut mettre Adli à la place de Sankaré. C'est au choix. Camano, Caramo, De Préville dans l'axe ou Maja. Mais ça, je veux dire, tu fais ça, et après tu attends le résultat. Si tu as une mi-temps pour changer. D'ailleurs, on a pris le but à la 20e minute, on a eu le temps de revenir. Surtout que moi, il y a un truc qui me dépasse toujours autant dans cette équipe, et que ce soit Ricardo ou Bédoué, c'est la même chose. On est mené, enfin, on voit à la mi-temps, on arrive tous à se faire le même constat. Cyril, il était avec moi en tribune. On se dit, putain, on se fait chier, mais on s'emmerde. Et tu changes rien. Et le seul changement que tu trouves à faire avant la 70e, c'est de faire rentrer François Camano. Alors, dans l'idée, c'est de dire on met un joueur plus offensif, patin coup, fin. Mais c'est même pas ça qui, là c'est juste du tu fais du poste pour poste, voilà, tu fais de l'homme, après, tu changes juste de un homme pour un autre homme. Après en première mi-temps, je trouvais carrément intéressant la oui. Leur première mi-temps, oui, oui, il fait une première mi-temps, c'est le plus remuant de tous. Moi ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi on n'attaque pas avec trois offensifs voire quatre. Mais ça c'est tactique, bordel de merde. Il peut dire comment tu appelles ça, un carré, soit de monter, faire une forme de piston, et rien ne l'empêche de redescendre. Il a un poil dans la main, son carré. D'accord. Non mais oui. Et surtout qu'il était ça, blessé. Ça m'a fait rigoler cette histoire. Oui, basta. Je faisais pas là une forme de piston, c'est pas interdit. Parce que moi je me rappelle, j'ai joué dans l'axe avant-centre, mais je balayais le front de l'attaque. Quand je redescendais, c'était pas interdit. Non mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que non mais c'est du travail, c'est du travail à l'entraînement. Je suis désolé, tactiquement t'es zéro. Oui, là sur ce match-là, honnêtement t'as aucune organisation tactique. T'avais des trous, des joueurs qui se trouvaient sur le terrain, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient. À un moment donné, à la base t'as un 4-4-2. T'as Depréville qui est censé tenir le côté gauche et Bassic le côté droit. Mais tu te retrouvais Depréville qui était à côté de Briand, Caramo qui était à côté d'Otavio. Oui. Et à un moment donné, t'as aucune organisation tactique. Tu ne sais pas quand tu démarres ton pressing. Ça, c'est des trucs qui se travaillent à l'entraînement. C'est comme les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, c'est depuis le premier match de l'année que j'ai dit qu'il y avait un gros problème sur les corners et sur les coups de pied arrêtés. Tu te retrouves à la combien, on est à la combien, 28e journée? Demain, c'est la 28e, oui. Et tu te prends toujours des buts à la con sur des corners et des coups de pied arrêtés. Donc à un moment donné, c'est que tu ne travailles pas. Ou que les joueurs sont complètement indisciplinés et n'écoutent pas. Ou que tu travailles mal. Alors c'est soit les joueurs ne travaillent pas et travaillent très, très mal, ou alors le coach ne sait pas. Là, on prend exactement le même but qu'à Nantes en plus. C'est tout le temps la même chose. Tu peux prendre la vitesse, là. J'allais justement citer le but que marque l'ancien Bordelais, là. À Nantes, c'est tout seul au second. Mais vous prenez les buts qu'on prenait en début d'année sur corner, que je pétais les plombs parce qu'il n'y avait personne qui était au marquage. Je me rappelle de Copenhague à domicile. Les tout premiers buts aussi en championnat sur les premières journées. C'est des trucs qui sont aberrants. C'est du marquage de zone, donc chacun connaît sa zone, chacun c'est travaillé. Tu te rappelles les buts qu'on prend à Strasbourg? Oui, mais c'est pareil. Oui, mais c'est ça qui est énervant, c'est qu'on voit systématiquement les mêmes choses et on ne voit aucune amélioration. Non, c'est même pas une amélioration, c'est aucune. Amélioration si tu veux, mais correction, au moins des corrections dans ce qui va pas. Comme tu dis, par exemple, voilà, moi, il y a un truc qui me sidère, c'est que dès le début de la saison, on perd Malcolm. On sait que on perd énormément sur coup de pied arrêté, corner. On perd un mec qui savait taper un coup de pied arrêté. Moi, il y a un truc qui me sidère. On arrive à choper un gars qui s'appelle en l'occurrence Thomas Bazic et Depréville a tapé 2-3 corners aussi intéressants. Et Pudji. On a un mec qui... Bah, il a pas tiré, franchement. Il tire mieux les corners que les touches. Mais on a un mec qui s'appelle Thomas Bazic, qui, on le voit quand il fait ses premiers bouts de match un peu au milieu de saison, il tâte un petit peu. Là, on le voit sur les coups de pied arrêtés, il est pas mal. Putain, mais Thomas Bazic, prends-le à chaque entraînement et tu lui dis voilà Thomas, maintenant voilà. Notre tireur de coups francs et de coups de pied arrêtés numéro 1, ça va être toi. Et pas Caramo. Que ce soit toi. Et pas Caramo ou mes couilles ou machin. C'est toi. Et tu, tous les jours à l'entraînement, tu vas taper 50 coups francs et 50 corners, droite et gauche. Okay. D'accord ? Et tu vas voir que, au bout d'un moment, en un mois, en deux mois, en trois mois, mais Thomas Bazic, je te garantis qu'il va aller. Alors, il va pas marquer à chaque fois. Mais tu vas grandement améliorer sa qualité sur coup de pied arrêté. Et je comprends pas. Il faut qu'ils arrêtent de tirer à deux aussi. À un moment donné, c'est casse-couille. Mais ça, ils le font tout. Ouais, non, mais à un moment donné, bon. Déjà, t'es pas très très bon à la tête. Mais en plus, quand tu me fais des combinaisons de merde, que le mec il arrive même pas à contrôler le ballon derrière quand tu lui fais la passe en retrait, tu tires une balle dans le pied. C'est à un moment donné, moi, c'est des choses que je comprends pas. Tu fais monter ta défense centrale, tu fais monter tes grands sur un corner, mais tire le corner, bordel. Tire-le corner. Oui, surtout, tu vas pas me faire une combinaison de merde. Surtout quand c'est la 85e et que t'es mené 2-1 et que, à part balancer dans le paquet, enfin, il n'y a pas grand chose. Mais à un moment donné, c'est une histoire d'homme après quand t'es dans la surface. C'est tu bouges, tu te déplaces. Puis après, c'est de l'engagement. Il y a des choses quand même. Je regarde. Quand tu vois. Moi, il y a des trucs. Montpellier, le premier but qu'ils mettent. C'est même pas une occasion. Ouais, c'est ça, c'est que c'est même pas une occasion. C'est Delors, il est sur le côté, il balance une saucisse. Hein. Alors, son centre en plus, il est un peu en lobby. Enfin, il est même pas hyper, hyper dangereux. Et tu filmes. Voilà. Alors, attends, je suis en train de le revoir en même temps avant que je vous dise une bêtise parce que c'était mardi et que j'ai pas de mémoire. Mais non, non, voilà. Mais si, si, on filme. Et tu filmes, voilà. Alors, là, le pire, c'est qu'à la base, c'est toi qui as le ballon. Hein. C'est-à-dire que c'est une perte de balle, je vais vous le dire de suite, on va choper le fautif. C'est. Bon, évidemment, voilà, je le vois après, pas. Après, si, après, de toute façon, on s'en fout, parce que des pertes de balle à la con, t'en as pendant 90 minutes. Il sent, voilà, il est tout seul, il la sent comme elle vient, et Paul Nall, tranquille, entre monsieur Sulje et monsieur Koundé. Il est à 4 mètres des cages, il est tout seul. Tranquille, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et 4 mètres, t'es gentil. Je crois qu'il est. Non, mais c'est sérieux. Il est à bout portant, le pauvre Costil. Bon, il y a une chose que je voulais souligner là, il qui m'interpellait beaucoup quand j'ai regardé un match, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand on a pris le but, eh ben, tu as l'impression que la moindre occasion, c'était but contre nous encore. Eh ben, ils avaient tous peur, les Bordelais. On était surnombre dans la surface. Oui, mais ça, c'est l'accumulation. Je comprends pas. Si c'est l'accumulation de tout ce qu'il y a, ça, tard, la peur, on va la ressentir jusqu'à la fin de saison, puisque c'est une équipe qui est toujours dans ce contexte-là de peur perpétuelle, non, mais, dès qu'on prend le but, oh putain, oh mon dieu, oh machin, oh truc. Non, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que tu ressens. C'est un peu comme quand j'ai vu les Parisiens, j'ai dit c'est pas possible, ils jouent avec la peur. On est d'accord, on ressent cette peur, truc, elle transpire, voilà. Je suis complètement d'accord. Moi, à la limite, je savais que j'allais perdre, tu vois, c'est pas ça. On est d'accord. Comment te dire, quand le ballon Montpellier est arrivé dans notre surface, ben, je sais pas, je me dis qu'est-ce qu'ils vont faire comme catastrophe encore. Alors qu'on dégageait une sérénité en début de saison. Je vais finir par ça. On avait jusqu'à fin novembre, début décembre. C'est ça. Tu as Koundé, si on a 7 mecs comme ça, tu perds jamais le match. Tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas réduire à ça. Mais non, par contre, la réduire à quoi? Je m'excuse, il a un caviar, comme tu l'appelles, de Préville, au lieu de, c'est un footballeur professionnel, je dis bien. Je vais aller dans ton sens. Et maintenant, je vais te sortir un autre exemple. Kylian Mbappé, hier, avant-hier, il a deux mains à sa face, tout seul, il mange la feuille. Et pourtant, c'est Kylian Mbappé. Ça, c'est pas une question. C'est champion du monde de camp. C'est pas une question de qualité technique. C'est dans la tronche. Et en ce moment, Bordeaux, ils sont au fond du. C'est un gouffre, je crois qu'on est au fond. Tu vois ce que je veux dire? De Préville, je suis sûr que tu fais comme Mbappé, tu le mets contre quand? Alors, De Préville, lui, ça va être Niort ou Laval. Ou Gognon, tu vois. Mais voilà, tu le mets contre une équipe de National 2, De Préville va se balader. De Préville, tu le mets dans une équipe. De Préville, mets-le à Rennes en ce moment, mais je te garantis qu'il tourne le type. Parce que c'est dans une équipe qui est en pleine euphorie. Ils sont chauds, tout leur réussit. C'est pas anodin ce que je dis. Je me rappelle que je vous appelle souvent, très régulièrement. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit, ouais, mais de Préville, il joue pas. Là, il joue. Ça fait quelques matchs qu'il est titulaire, on est d'accord. Mmh. Est-ce que vous avez vu la différence? Ah, au niveau de la combativité, quand même, tu peux pas. Oui, on peut pas. Attends, on oui, peut... Non, Star, laisse-moi parler, parce que honnêtement, moi, j'ai rien contre allumer de Préville. Mais par contre, sur un terrain, ce qu'on peut pas lui enlever, par contre, c'est sa combativité. Parce honnêtement, contre Montpellier, fait ça 3-4 fois. Contre Montpellier, je peux t'assurer que s'il y a un joueur qui a couru 90 minutes, c'est lui. Après, malheureusement, c'est qu'en ce moment, il joue au football comme joue au football le deuxième ligne de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il a un pied, il est dégueulasse. Moi, il y a un truc qui me sidère quand je vois alors l'exemple de Préville ou quand je vois le petit Palencia. Parce que, bon, alors, mais évidemment, la Ligue 1 et la Ligue, il n'y a pas les stats. Quand je vois le petit Palencia, comment il se dépouille? Parce que pareil, hein, Palencia, il n'est pas arrivé il y a 8 ans, il est arrivé il y a 6 mois. Palencia, personne ne savait qui c'était, le mec qui arrive. Quand je vois comment il se dépouille sur chaque ballon, à se jeter, à courir, à machin, et putain, je dis, je vois les autres autour, je vois Camano, je vois Caramo, je vois tous ceux qui marchent là, tous ceux qui trottinent, tranquillou. Sans carré, quand il va. Je te dis, mais putain, mais tu le vois pas? Ou quand je vois Otavio, alors Otavio, il est partout, mais c'est un truc de fou, il est à droite, devant, machin. Et puis je vois à côté, alors place du trottine, machin. Je dis, putain, mais vous les voyez pas qui se dépouillent pour vous, ou Pungé? Vous le voyez pas que les mecs, ils se mettent minables? Putain, ça vous donne pas envie de vous transcender, de voir Palencia qui, c'est quel match? Le match contre Toulouse où il va se chauffer avec je sais plus qui sur le bord de touche, je me rappelle plus là. Le mec, il va à boum, il est tout petit, il est tout maigre, il rentre dedans. Et ça te donne pas envie de rentrer, je sais pas. Moi, justement, et lui en plus, il est simplement en prêt. Oui, il est en prêt. Ils ont tous un contrat avec Bordeaux. Et ça m'écœure. L'acceptant de Caramo, bien sûr. Ce que je veux dire, je te rejoins à 200%. Moi, je dis, ça me fait rien de voir mes joueurs perdre, mon équipe, mais je sais qu'ils ont fait le maximum. Mais là, ça me dégoûte parce que on perd à la maison, on perd à l'extérieur, et contre n'importe qui, même Guingamp, le dernier, il va nous prendre des points à la maison. Mais maintenant, ils disent tout, ça va pas nous prendre des points. Je suis sûr que Grovenek était dégoûté de ne pas avoir pris 3 points. Il a dit lui-même à la fin du match, oui. Oui, mais attends, mais lui, il faut que le retour soit sa gueule, parce que c'est facile, il nous a mis dans le caca, il est parti, celui-là. On l'a viré, il voulait pas partir, lui. On l'a un petit peu aidé. Je veux dire, par là, tous les mecs qu'on a sur les bras, c'est lui qui les a pris, hein. Oui, mais bon, lui, il voulait rester. Depréville, il a tout fait pour le. Mais attention, Depréville en a parlé à Guingamp, hein. Et je suis persuadé que s'il va à Guingamp, il va nous le relancer. Mais non, je vous garantis que si Depréville quitte Bordeaux, je vous garantis, vous verrez que Depréville, il va marcher. Moi, quand je dis Benzema, il fait un travail de fou au Real Madrid, on me dit non, mais c'est un gars qui doit marquer. Alors, ça veut dire que ce qu'on pardonne à un, on pardonne pas à l'autre. Non, tu rigoles qu'on a beaucoup plus pardonné à Benzema qu'à Depréville. Ah putain, oui, ça non, c'est. Non, ce que je veux te dire pas là, non. Je parle sur le plan du jeu. Putain, il descend, il monte, et on voudrait qu'il finisse le travail. Attends, faut pas déconner. Oui, non, mais. Benzema, c'est le joueur de Real Madrid. Faut pas déconner. Juste, Depréville, il fait pas le travail que Benzema. Juste, on lui demande de rester devant. Pour terminer sur Montpellier, on va passer à la suite. Parce que pareil, je suis en train de revoir la feuille de match. Je suis en train de me rendre compte. J'entends ta voix. Écoutez bien le banc de touche qui était aligné pour Montpellier. T'avais Gaëtan Poussin. T'avais Youssouf Sabali. Oui. Bon, ok, à la limite. T'avais François Camano. Malgré que bon, mais ok. C'est de la colonne, et derrière, t'as Til Sissoko, Aurélien Tchouaméni, Yacine Adli, Josh Maja. Expliquez-moi comment. Mais même le banc, je trouve qu'il est d'une faiblesse. Je parle pas de Adli et de Maja, on sait pas ce que ça vaut, ils viennent d'arriver, ils ont joué 2 matchs. Mais je trouve que, putain, vous gagnez des matchs de Ligue 1 avec Aurélien Tchouaméni, Til Sissoko, Camano qui depuis qu'il Sissoko, est pas parti à Monaco, il est plus là. Oui, mais c'est pour ça que ça me fait peur, moi, Cyril. Me fait peur. Je te promets que ça me fait peur. Évidemment. Parce que mais t'avais Jovanovic qui était suspendu, tu vas pouvoir le récupérer. Ce que j'attends vraiment de voir, c'est vraiment un changement à un moment donné. C'est du travail. C'est-à-dire que l'autre Souza, on le sait qu'il va arriver. Tu sais que c'est un bosseur. Tu sais que le mec, il est discipliné, qu'il limite, il va péter les plombs si les mecs, ils bougent pas leur cul et qu'il va rentrer sur le terrain et leur mettre un coup de pied au cul. Ça, moi, c'est ce que j'attends de voir. Ça, c'est ce qu'on croit et qu'on espère. Ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Ouais, non, mais en fait. On va voir. À un moment donné, moi, ce que j'entends de lui, de un peu partout, que ça soit Johan Crochet à l'antenne, qu'on a reçu, c'était vendredi dernier. Vendredi dernier. Ou les gens dans la radio, des radios nationales, quoi. Le mec, il a un énorme caractère, il est très exigeant. Parfait. Parce que du caractère, on n'en a pas. Et de l'exigence, on n'en a pas. Donc, à un moment donné... Écoutez, les gars, je veux pas être bédoué, c'est notre préparateur physique, point barre. Non, mais je critique pas bédoué. Vous avez vu toutes les sorties qu'il nous fait après des matchs perdus? Qu'est-ce qu'ils font, bédoué? Qu'est-ce qu'ils disent? Les joueurs, ils ne le respectent même non, pas. Non, oui, voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, mais le match, je les ai regardés, moi, je suis pas débile encore. Non, mais à un moment donné, lui, il veut pas parler. Je sais très bien. Il veut pas y aller, on le force à y aller. Mais lui, tu crois qu'il veut y aller aux conférences de presse? Non, mais comprends ce que je veux dire. Comme vous tous, vous allez encore avoir la chance d'aller au stade. Moi, je vois la télévision, je passe les plans. Ce que je veux dire par là, c'est que après, on nous dit, en gros, vous avez mal vu le match. Ce que je comprends, ce qu'il veut dire tard, c'est Bédoué, il devrait dire ce qu'on voit. Mais il peut pas dire ce que. Qu'il a un vestiaire qui est au bord du gouffre, qui supportait pas Ricardo, qui lui est en attente là maintenant de Souza. Alors Cyril, dans ce cas-là, il faut avoir l'honnêteté de dire. Attends, tard 2 secondes. Dans ce cas-là, il faut avoir l'honnêteté de dire. Après je finis. Dans ce cas-là, il faut avoir. Éric Bédoué aurait dû ou devrait avoir l'honnêteté de dire je ne suis pas en capacité d'assumer ce rôle, trouver quelqu'un d'autre. Mais, et personne ne l'en aurait voulu. Mais il l'a pas fait, puis c'était Ricardo avant. Mais seulement Ricardo, il avait pas le droit de parler, compagnie. Tu mets le préparateur physique à toutes les conférences de presse. Il aurait dû dire je ne peux pas assumer ce rôle-là, trouver un autre pigeon. Sauf qu'aujourd'hui, heureusement que tu l'as, Bédoué, parce que finalement, le mec, le couteau suisse, était bien content de l'avoir. Le club est bien content d'avoir Bédoué, je peux te le dire. Sacrifié pour lui. Ça aurait pas été lui, ils auraient mis un autre. Ils auraient mis qui? Ils auraient remis Ramé, ils auraient trouvé quelqu'un. Jamais t'as quelqu'un comme Bédoué. Bon, allez, on finit sur Montpellier. qu'on se comprenne bien, Bédoué fait partie de la maison, c'est un préparateur physique, point barre. J'ai jamais dit le contraire, faut le garder. Le mot de la fin, Cyril sur Montpellier, et après on remercie Tard. Je sais pas, tu voulais pas, t'avais dit. Non, non, ah bon, ok. Je croyais. j'ai dit ce que je voulais derrière. Si, j'ai encore bien aimé Koundé, moi. Oui, mais bon, ça, c'est plus une surprise. Ah, non, ouais. Ah, tiens, si, parce que moi, je l'ai allumé pendant très très longtemps, et depuis que je reviens, je revois Costil à peu près à un niveau potable, donc. Voilà. Bah, c'est un peu le seul qui est au niveau où il est censé être. Ah, il a fait une énorme parade avant le deuxième but, bon, mais derrière, malheureusement, c'est un corner. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il te sort l'arrêt du match, tu te dis, bon, allez, c'est bon, ils ont eu leur occasion, ça y est, c'est passé. Putain, on était dans la seconde qui suit, enculé, l'autre, il y a un corner, bon, bref. Merci, Tard, on va te remercier, et puis, écoute, en espérant demain tu sois un peu plus tranquille devant ta télé. Allez, un petit nul, ça tirait bien à Monaco. Ouais, mais je vois la victoire. J'ai le 19ème. Non, j'exagère, ils sont pas 19ème, ils sont 17. Je vois la victoire, je sais pas pourquoi. Ah, ben alors dans ce cas-là, là, j'espère que t'auras un flag, que t'as une bonne vision. Je sais pas pourquoi, hein. Alors, je suis écœuré, mais je vois la victoire, je sais pas pourquoi. Ah, ben écoute, j'espère que t'auras raison. Merci, Tard, bonne soirée, bon week-end. Bon match demain. Ciao. Merci, Tard. Bye. Messieurs, on va enchaîner. Alors, j'hésite à enchaîner avec Monaco et finir sur Souza. On va parler de Souza et finir sur Monaco. On parle de Souza et puis on finit. Alors, pas de Ligue 1 ce soir, puisque le match entre Nantes et, pardon, et le PSG a été reporté. Alors pourquoi ça? Je crois que c'était ça qui a apparemment porté c'est scandale. C'est à cause de la dépression. Non, il a été annulé avant. Non, mais avant, je sais. Mais je crois qu'il y a eu un scandale sur ça. C'est pour ça que Jean-Michel Aulas était sorti un peu et était remonté contre les reports de match. Donc, je crois que c'est juste parce qu'il jouait en Champions League. Tu m'aurais dit c'est samedi encore, je te dis, allez-y les jeunes. Mais il y a quand même du football puisqu'il y a une journée de Ligue 2. Il n'y aurait pas beaucoup de buts ce soir en Ligue 2, à part un 2-2 entre Nancy et Lorient. Et on a notre petit prêté qui joue à Auxerre. Et Auxerre. Ben, Auxerre ne joue pas ce soir. Donc Mancini ne joue pas. Et Valenciennes mène 2-0 à Brest. C'est une surprise puisque Valenciennes est 15e et Brest est second. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, Paulo Souza, on nous avait dit que ça serait signé vendredi. On est encore vendredi pendant 2h50. Tout peut se passer. Paulo Souza, info qui est tombée à 18h20, serait arrivé à Bordeaux cet après-midi. C'est Girondin Info qui nous donnait l'information, puisqu'il était déjà venu à Bordeaux la semaine dernière pour rencontrer les dirigeants. Alors, on a appris entre-temps d'autres choses, c'est qu'il venait non seulement Paulo Souza allait arriver, mais il n'allait pas arriver tout seul, puisqu'il va venir avec ses adjoints, entre guillemets, il a un gros staff habituel, puisqu'il il fait un amalgame de plusieurs adjoints qu'il a eu dans différents clubs. L'information qu'on a eu aussi, c'est que Patrick Colletter. C'est jamais vu, hein. Honnêtement, à Bordeaux, c'est jamais vu. Ça sera l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du club. Non, et puis surtout, il vient avec trois adjoints. Tu lui rajoutes Bédoué qui sera toujours au moins jusqu'au mois de juin. Préparateur physique. Et tu rajoutes Grillo qui est coach des gardiens. C'est-à-dire qu'il a cinq adjoints. C'est quand même hallucinant. Cinq adjoints. Et le plus gros salaire de l'histoire du club. C'est-à-dire que là, pour le coup, on met les moyens sur Souza. Par contre, Colletter. Quitterait le. Oui. Tu peux pas tous les garder à un moment. Voilà. Alors, ouais, je pense que c'était convenu avec lui. Colletter et. Voilà. Et maintenant j'ai bouffé son nom. Espanol va repartir à la formation. Il va repartir avec Chalmé. Il va repartir avec Chalmé à la nationale. Puisqu'il montait de nationale. Oui, voilà, il dépannait. De la formation. Alors, quand même, il faut savoir que Paulo Souza. Alors, c'est quand même assez intéressant ce qu'on nous dit, puisque vous savez que son avenir était plus ou moins lié à l'avenir de l'entraîneur de la Roma. Alors, de Francesco. Il était aussi convoité par la Roma, puisque Eusebio Di Francesco s'est fait dégager. Au final, on l'a appris dans l'après-midi, c'est Ranieri qui retourne à la Roma. Et selon la journaliste portugaise Claudia Garcia, travaillant en Italie et qui avait été la première à parler de Souza et des Girondins, il a refusé, Paulo Souza, un contrat de 18 mois avec la Roma, 18 mois donc un an et demi, et il aurait préféré un projet à long terme, ou du moins un moyen long terme avec les Girondins de 3 ans. plutôt que aller dans un club plus huppé, mais peut-être signer un an et demi pour n'y rester que 6 mois, voire 4, si au mois de juin on décide de le virer, puisque le directeur sportif de la Roma vient d'être Monchi, s'est fait aussi dégager. Ah, et puis il faut savoir, faut aussi voir le projet dans son ensemble. Paulo Sousa, donc du coup, c'est son agent, c'est Zavi, proche de Varela. Massia qui devrait pas tarder à arriver au Girondins, donc ça va se faire, puisque grosso modo Leicester aurait trouvé le nouveau directeur sportif, qui est l'ancien du Celtic Glasgow, donc du coup il devrait arriver avant la fin de la saison, Massia. Et tout ça, c'est, tu te rends compte qu'en fait c'est une association de personnes qui ont plus ou moins travaillé ensemble, ou ont des circuits qui sont qui sont un petit peu les mêmes circuits. Donc en fait tu sens que t'as un projet de fond qui se met en place. T'as aussi le mec de la formation, la Cissé, qui est arrivé de Monaco, oui. Qui prend ses fonctions. Tu sais que t'as pas mal de monde aussi qui font un audit sur le club, à l'intérieur du club. Donc tu sens que ça bouge et que le projet est en train de se mettre en place. Moi je suis entraîneur, on me propose 18 mois à la Roma, et moi c'est pas forcément ce que j'avais entendu, c'était plus 6 mois plus un an en option, donc c'était quand même très très bancal, puisqu'il parlait aussi de Sarri potentiellement dès juin à la Roma, donc ça reste quand même un projet qui était très bancal. Alors que là, t'as quand même, on lui propose le plus gros salaire d'histoire des Girondins. On est en train de dire que la Roma est plus instable que Bordeaux. 2 ans et demi de contrat plus un an en option. Avec tous ces adjoints, 250 000 euros brut par mois pour Paulo Sousa à Bordeaux. C'est surtout quelqu'un somme très qui est patient pour un entraîneur français à Bordeaux, enfin en France, qui est énorme. Et puis là, voilà, si le mec il s'entend bien avec les personnes qui sont en place sportivement, banco quoi, banco. Est-ce que c'est pas déjà le signe, alors au-delà de on vous l'a déjà présenté un petit peu vendredi dernier, mais est-ce que c'est pas là déjà un premier signe fort quand même de, c'est une question que je vous pose, hein, c'est pas une affirmation, de la nouvelle direction de Joe Da Grossa et de Frédéric Longuepé, ben de dire voilà, on arrive, ça va pas bien et on met le pognon, parce que clairement 250 000 euros par mois jusqu'à présent pour un coach, on n'avait jamais vu ça, hein. Même Laurent Blanc il prenait pas autant. Après c'était une autre époque. Après c'était une autre époque. Enfin bon, c'est voilà. C'est un signe fort quand même de la nouvelle direction, de dire ben voilà, on se donne les moyens, au moins financièrement, de dans le staff. Après voilà, on va voir avec les joueurs ce qu'il fait, parce que tu pourras mettre le meilleur entraîneur au monde, si tu lui donnes 11 ânes battés, au mieux il en fera peut-être des chevaux de trait, mais il en fera jamais des purs sang. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais au moins, financièrement, on se dote d'un staff étoffé. Voilà, il y a les moyens. On ne prend pas un entraîneur un petit peu au rabais qu'on serait allé sortir, un Antonetti, un machin, un truc. On met. Non, mais clairement, là, t'as. Non, mais moi, c'est. En plus de mettre les moyens, ce qui me plaît, c'est que c'est une personne qui correspond au projet. C'est-à-dire que, encore une fois, quand tu fais l'organigramme du sportif de GACP, il sera même mieux c'est Varela, que joueur, hein. Massia. Paulo Sousa. Moi, ce qui me dérange, c'est que Varela, officiellement, c'est le seul truc qui m'a dérangé. Il est pas dans. Mais si, il fait partie de GACP. Mais il a pas de fonction officielle. Mais c'est un actionnaire. C'est un actionnaire du club. Oui, mais oui. Oui. Donc, du coup, c'est un actionnaire du club. Il fait partie de la hiérarchie sportive est clairement décidée. Donc, du coup, moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est-à-dire que tu vois vraiment le réseau et tu vois vraiment le. Alors, ok, c'est du trading de joueurs. On va pas le nier, ça va sûrement être ça. Mais par contre, je suis désolé s'ils font bien, si le réseau est compétent et que les mecs ils bossent ensemble et ils bossent bien. Parce que Massia, on l'a vu faire des super coups. Parce que, ok, il s'est chié 2-3 fois, peut-être même au Betis et compagnie, sur 2-3 joueurs. Mais il a quand même fait des sacrés coups, notamment à la Fiorentina et compagnie. Il a ramené des putains de joueurs. Et s'il peut nous ramener des joueurs, ben, c'est lui qui avait ramené Silva à Leicester, c'est lui qui avait ramené pas mal de joueurs. Il avait ramené, comment il s'appelle, Brahimi, l'Algérien, l'attaquant Slimani. Ah oui. Il a ramené Slimani. Sinon, ramène des joueurs qui ont un calibre un petit peu d'international. Il n'était pas en poste quand il y avait. Vous vous rendez compte que Paulo Sousa va toucher 10 fois plus que ce que touchait Eric Bédoué, 25 000 euros. Ricardo, lui, était payé 85 000 euros par mois. Mais... Et moi, il y a un truc que pour eux. Alors, après, évidemment, par rapport à l'équipe actuelle, on verra par rapport à l'équipe l'année prochaine. Mais pour l'instant et jusqu'au mois de juin, Paulo Sousa sera le mieux payé du vestiaire bordelais, c'est-à-dire qu'aucun joueur ne gagnera plus Qu'est-ce que gagne Paulo Sousa ? C'est logique. Ce qui pour moi devrait être la logique. Mais bon, évidemment, quand on parle après de Messi, de machin, c'est, tu peux pas payer un coach plus que Messi. Oui. Juste, moi j'ai posé des sondages sur le compte de Twitter. Donc, dis-nous. Justement, sur, rapidement, c'était concernant l'arrivée de Paulo Sousa. Quel état d'esprit avez-vous sur, sur cette arrivée-là ? Donc, dernier, inquiet, avec 3%. Deuxième, rassuré avec 22%. Ouh là, c'est quoi le premier alors ? Troisième, dubitatif, 29%. Ah. Et quatrième, confiant, 45%. Alors attends, donc le premier qui est arrivé en tête, c'est quoi ? Confiant. Ah oui, d'accord. Les gens sont plutôt confiants. Je croyais que tu le faisais à l'envers du bas vers le haut. Mais je t'ai fait de 3% à 45%, mais de 4 à 1, quoi. Ah, et enfin, moi, il y a juste un truc que je lui demande à Paulo Sousa. Je veux même pas qu'il révolutionne le jeu de cette équipe. Moi, je veux juste, comme tu dis, confiant, rassurant. Je veux juste qu'il arrive et qu'il me dise, voilà, mon 11, j'ai alors pas évidemment le premier jour, au bout de deux semaines, ou tu vois, qu'il me dise, voilà, j'ai observé, mon 11 titulaire, mon 11 type de départ, ça va être ça. Et on va pas changer tous les 4 matins comme on fait actuellement. Alors un coup c'est Sabali, un coup à gauche, un coup c'est Pungé, un coup c'est Palencia, un coup on remet Sabali, un coup on met Otavio, Placide. Je veux qu'il dise, voilà, mon 11 titulaire, c'est eux. Nonobstant, blessés et suspension. C'est eux, et on va aller avec eux jusqu'au mois de juin. Basta. On va à la guerre. Et on, non mais, et on va voir cette équipe. Qui l'aura choisi, lui ? Qui l'aura choisi, ses joueurs ? S'il veut pas mettre Pablo Koundé, qui veut mettre Jovanovic Koundé, c'est son choix, il se démerde. Mais je veux qu'ils me disent, voilà, on a un 11, c'est eux. C'est eux, et on change pas tous les 4 matins. Et on fait jouer Palencia, 6 matchs, les 10 derniers matchs qui restent d'affilée avec... Caramo à droite, ou je sais pas qui on lui met, Camano. Ah, de la constance, il faut de la constance. Voilà, de la constance, de la régularité. Mais surtout, il faut de la constance, de la régularité. Mais il faut surtout du travail tactique. À un moment donné, il faut de la rigueur tactique. Ça, par contre, ça risque d'être compliqué. Ouais, mais bon, à un moment donné, dans ses choix, il faut qu'il prenne des gars pas pour lui, je parle pour les mecs qu'il y a sur le. Mais il va falloir des mecs disciplinés, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible quoi, d'avoir des mecs autant inconstants dans les performances. C'est-à-dire, tu peux avoir un gars qui va se dépouiller sur le terrain, mais comme de Préville qu'on disait tout à l'heure, mais qui est pas forcément très bon. Et à côté de ça, tu vas avoir un joueur qui s'en fout complètement, mais qui a du potentiel. Et à un moment donné, c'est plus possible d'avoir autant de disparités en temps de travail tactique peut se faire sur un plus long terme, être commencé là et durer, et qu'on ait quand même des résultats parce que il va apporter ce renouveau là et la hargne qu'on lui prétend. Donc ça peut, voilà, se dire que le travail tactique, il ne portera pas forcément ses fruits sur les premières semaines, peut être compensé par hargne qu'il peut apporter. Est-ce que vous croyez au classique... Oui, pardon. Ah, vas-y, continue. Juste avant, est-ce que vous croyez au classique, entre guillemets, déclic, choc, le fameux choc psychologique qui n'a quasiment pas eu lieu, ou très très peu, entre Poyet si, et nous, Ricardo, mais vraiment très très peu. Poyet, on l'a eu. Il y a eu. Poyet, on l'a eu. Oui, enfin, c'est pas. T'as Ricardo. Oui, ah oui, non, on l'a eu entre Poyet et. Poyet, Ricardo, tu l'as eu un peu. Poyet, Ricardo, tu l'as eu. T'as eu pendant un, deux mois. Tu l'as eu jusqu'à novembre. Ouais, jusqu'à ce que Pablo se fasse la cuisse. Grosso modo, c'est à la blessure de Pablo que tu commences à sombrer. Et puis, il y a peut-être des joueurs, je sais pas si c'est avec vous que j'en parlais ou si c'est avec mes collègues, parce que je sais plus ce que je dis à qui je le dis, mais il y a peut-être des joueurs, je pense par exemple, alors qui dont on est sûr qu'ils seront plus là l'année prochaine ? Caramo, Camano, ça va sûrement Sabali, dégager. Sans le départ. Sabali, on sait. Oui, peut-être, mais bon, je parle de sûr, je te dis pas que ça sent le départ, je te parle de sûr. Genre Cornelius, sûr. Caramo, c'est des prêtés, ils resteront pas. Cornelius, Caramo, Camano. Palencia, peut-être. Palencia, il a pas arrêté de répéter qui voulait rester, qui voulait rester, qui voulait rester. Soyons pas cons. Moi, j'aimerais que Paulo Sousa dise, voilà, maintenant mon arrière droit jusqu'à juin et toute l'année prochaine, ça va être Palencia. Et je le mets arrière droit et je fais pas un coup Palencia, un coup Sabali, un coup Palencia, un coup Sabali. Et je laisse Palencia. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'aimerais, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, que. Oui, non. Non, mais ça devait être intéressant. Hein ? Ça devait être intéressant. Mais non, mais pour parler de choc, il y a peut-être des joueurs qui ont aussi des cartes à jouer. Ah oui, mais comme à chaque fois que tu as un nouveau coach, de toute façon, la dernière fois c'était Otavio qui s'en est vachement tiré. Otavio qui s'en est bien sorti. Basic a profité du départ de Poyet. Mais Basic, en fait, c'est aussi le style Ricardo. Ricardo n'aime pas lancer les joueurs comme ça, et notamment les étrangers. Il y a une période d'adaptation, et je me souviens qu'il avait fait avec Wendel, qu'il avait fait avec pas mal de joueurs, avec Enrique. Et on va récupérer Bellanova, on va récupérer. Non, ça c'est l'été prochain. Oui, mais je veux dire, il les connaît pas, Sousa. On va récupérer Mendy, on va récupérer le petit de Auxerre, Mancini. Bernardoni. On va récupérer Bernardoni. Et je me dis que le mélange de tout ça, Je pense à Vada, voilà, je cherchais Vada. Je pensais à ces mecs-là qui voient là aujourd'hui qu'il y a Paolo Souza qui arrive, que machin. Et peut-être qu'ils se disent attends, fini Ricardo, fini Bédoué, fini machin. Peut-être que si j'y vais et que si je. Ah, évidemment, ça dépendra de la fin de saison. Si Paolo Souza arrive à trouver son 11. Non, mais de toute façon, regarde, justement, on va en parler. J'ai mis un sondage parce que dans la semaine, donc comme je disais tout à l'heure, dans le Late Football Club, Philippe Doucet a balancé une petite info sur les Girondins, comme quoi Varela avait eu une réunion avec la cellule de recrutement le jour de Montpellier. Donc c'était quand? C'était mardi. Et dans cette réunion-là, 10 joueurs seraient ambitionnés, 10 recrues seraient envisagées par le... 10 recrues. Ouais, c'est ce qu'envisageait. En plus de Bellanova et... Voilà. Donc, alors je sais pas si c'est en plus de Bellanova, ça c'est... Il a pas dit. Il a dit 10 recrues cet été. Donc grosso modo... 10 départs. Au moins. Bah après, on verra, je sais pas. Non, parce qu'on a un groupe qui est déjà très très. Oui, on a commencé à dégraisser. Les départs, c'est rare. Des fois, tu galères pour faire partir les joueurs que tu veux y partir. Mmh. Arcagic et compagnie. Oui. Donc, si déjà tu as 10 recrues, que tu pars sur 10 recrues, voilà. Donc, on a posé un sondage rapido sur le Twitter. Est-ce qu'ils partagent ce diagnostic? Donc 85%, oui, donc à propos des 10 recrues. Donc, et on a demandé pourquoi. Donc du coup, pas mal de monde trouve qu'il faut des départs parce avant. Parce qu'on en a marre. Ouais, et puis voilà, du coup, il y a beaucoup de quand on regarde les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Un gardien, un défenseur gauche, un DC, des milieux. Ouais, un gardien, Master Hall qui met un gardien. Alors moi je comprends pas pourquoi gardien, surtout que t'as Bernardoni qui revient. Au cas où, c'est oui, ça, en oui, plus. C'est ça. Donc, c'est au pire, allez, au pire même qu'Hostile dit j'en ai marre, je me barre, t'as Bernardoni derrière. Ça va, un gardien. Donc voilà, il y a Détendu aussi qui partage ce diagnostic. Le Steph, lui, veut voir déjà ce que veut faire Souza, mais à mon avis, Souza, il va suivre ce que Massia et Varela vont dire, puisqu'ils sont de la même filière. Donc voilà. Et Aedes Albopic. Lui dit 10 joueurs moyens, non, mais un international par ligne, oui. Alors voilà, est-ce que c'est pas aussi. On nous de dit. De l'expérience. Attention, on après, dit 10 si joueurs. Tu ramènes un international de Macao, Moldave. Ils ont dit 10 joueurs, mais ils ont pas dit 10 jeunes. Ils ont dit 10 joueurs. Oui. Non, alors, et puis, ça veut puis, peut-être puis dire faut recouper, 5 jeunes, faut recouper, 5, voilà. Faut recouper aussi avec ce qui avait été dit dans la semaine par Dagrossa dans une interview. Je me demande si c'est pas. C'est où il dit que lui, ce qu'il ambitionne, c'est des recrues du niveau de Costil. Mmh. Oui. Je l'ai lu dans la semaine ça. Alors, il y aura sûrement pas 10 recrues du niveau de Costil. Non, mais si t'en as 5, mais si elles sont gratuites. Je vais dire une bêtise. Tu fais Bellanova, tu fais les Mbuemo, Mukudi, là, que t'as entendu parler de cet hiver. Et à côté de ça, tu prends, 4, 5 joueurs, de mecs qui ont quoi, 200, 300 matchs de championnat, des matchs de Coupe d'Europe, des matchs internationaux. Pourquoi pas? De toute façon, pour le projet, on sait que les jeunes, c'est intéressant pour le trading, etc. Il faut des joueurs expérimentés. Et ce qu'il faut aussi pour que ton projet dure un peu. Vous pouvez appeler si vous voulez réagir à ce débat. Si vous voulez réagir sur Paolo Souza. 05 56 35 31 31. Désolé. Et avant il y avait des jingles. Ouais. Bon, bah, je les ai toujours. Tiens, peut-être. T'en veux un, lequel tu veux? Koh-Lanta, c'est vendredi. Ou lequel tu veux? Koh-Lanta, ça n'a pas au prix. Ça reprend la semaine prochaine. Attends. Ben ouais, on vous prépare. Le Koh-Lanta, derrière. Hop là, il est là. Attends, je monte le son. Hop là. Hop là, il est parti. Ça fait longtemps. Ouais. Oh, toi, t'en as pas marre? C'est vendredi soir, lâche Koh-Lanta. Hey, rejoins-nous. On est Girondins Analyse. Frère. Appel au 05 56 35 31 31. Représente les Girondins, frère. Eh ouais, frère. Bah, en ce moment, il n'y a plus grand-chose qui représente les Girondins. Donc 05 56 35 31 31. Comme vous l'a dit Cyril dans ce merveilleux petit jiggle, on en a encore d'autres. Et c'est pas impossible qu'on en fasse. Les meilleurs jingles de l'émission, bientôt en DVD. Pour compléter ce qu'on disait sur. Pour compléter ce qu'on disait sur Varela, sur Paolo Souza, excusez-moi. Il sera accompagné, on a parlé l'autre jour de tout à l'heure de 4-5 adjoints. Alors, il est assisté de son ancien adjoint à la Fiorentina, Victor Sanchez Diado. Voilà. Ça fait déjà un. Qui était à la formation de Barça. Ça fait, voilà, ça c'est le premier. Il sera également accompagné de Manuel Cordero, qui lui était analyste quand Souza entraînait MOL Vidi, c'est-à-dire anciennement Vidéoton, qui nous ont torché en Coupe d'Europe. Voilà, il a travaillé aussi avec lui en Chine. Aussi, et au Tianjin Guangjian. Ouais, en Chine. Pendant un an. Et le second, qui s'appelle Rafael Maldonado, qui sera aussi donc son troisième adjoint. Pilote de course. Il s'occupera le poste de préparateur physique. Il avait déjà collaboré avec lui, également à Fiorentina, également en Chine. Et jusqu'au mois de juin, ça sera en binôme avec Eric Beidoué. Et ils sont jeunes en plus. C'est comment il s'appelle? C'est Grovenek qui. Non, c'était Sagnol qui avait deux préparateurs physiques. Hein, oui, peut-être. Qui avait Beidoué. Il laissait tout ce qui était Beidoué, la préparation physique de groupe. Et son préparateur physique faisait de la préparation individuelle. C'était pas Bagné, c'était. Alors je sais pas. Ah, je confondais le mec de la. Je viens de voir une info. Parce que on parle des joueurs qui reviennent l'année prochaine. Mais vous n'avez pas oublié quelqu'un? Oh, si, Bupenza. Sûrement, oui. Hey, non, à mon avis, un truc beaucoup plus improbable, un gars qu'on a complètement oublié. Ouais, un gars qui fait du scooter des mers ou. Cafou. Oui. Oh, putain, tu vois, je savais qu'on avait oublié un gars. Oh, eh oui, Cafou. Qui revient. Il revient, bon, moi je m'en fous, il peut revenir. À Floulou et moi, on Pablo, est fou de Cafou. Rappelez-vous, Pablo, quand il part en prêt pendant 2 ans, mais souvenons-nous quand même que Pablo, c'est une brêle hein, quand il part de Bordeaux. Tout le monde n'en veut plus, il est nul, il est blessé. Il fait une bonne saison au Brésil. Cafou, je ne pense pas qu'on puisse. Mais là, il est en vacances. Une bonne saison à Belgrade. Le problème, c'est qu'il n'est pas au Brésil. Non, mais à Belgrade, personne compte sur lui. Les dernières nouvelles, c'est qu'il est en vacances à Israël. Il part en vacances à Israël pendant que son équipe joue. Voilà. Pourquoi pas. Donc écoute, comme quoi, il n'y a pas de Caramo. Il y a quand même. Mais lui, il est autorisé. Il y a quand même une petite phrase où on nous explique dans l'article de l'équipe que, on vous l'a dit, Patrick Colter et Pierre Espagnol n'intégreront pas le staff. L'ancien préparateur physique Eric Beidoué devrait continuer à collaborer avec l'équipe première. Et là, il y a une phrase qui est magnifique. Ils vont trouver une manière de coopérer, nous a confié une source proche du dossier. Pas d'inquiétude à ce sujet. En gros. Beidoué, il a pas le choix. C'est tu te démerdes comme tu veux. Faut que tu collabores avec lui jusqu'au mois de juin. Même si tu le détestes au bout d'une semaine, tu te démerdes. On lui a dit ça. Je pense qu'ils vont agir quand même en professionnel. Je pense surtout que Beidoué va faire la transition entre les anciens, hein, entre guillemets, un petit peu, et puis les nouveaux qui arrivent. Un truc avant qu'on parle de Monaco, parce que l'idée, je sais que c'était pas prévu, mais on a un petit peu de temps, donc je vais juste vous poser la question, parce que je me suis posé l'idée cet après-midi. Évidemment, les médias revenaient largement sur la défaite de l'élimination du Paris Saint-Germain, et c'est, je sais pas si c'est Willy Sagnol ou chez Dimeco, chez Moscato, je sais plus, quelqu'un qui disait. Mais dans, je me demande si c'est pas Montagne. Oh putain, je suis fatigué. Le gardien d'Auxerre qui est à RMC. Ah oui, Charbonnier. Qui disait Paris, et je pense que ça risque d'être valable pour Bordeaux. Paris n'a pas de. Tous les grands clubs européens, que ce soit le Real, le Barça, le Bayern, tous, la FIO, Manchester, certes, ça s'appuie sur des financements étrangers, mais ça s'appuie aussi sur un socle local très fort. Manchester, vous avez Solskjaer, Ferguson qui est encore là, le Bayern, je vous en parle pas. Ah, historique, le Real, je vous fais pas un dessin, historique. Et il disait, Paris, vous avez un propriétaire qatari, un président qatari, un entraîneur allemand, un directeur sportif, Antero Henrique, il est quoi, portugais ou espagnol, un mec du staff qui est anglais. Enfin, tu vois, il disait, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas d'identité. Mmh. Et est-ce que vous avez pas peur qu'à Bordeaux, avec un propriétaire américain, un président français, un entraîneur portugais, un directeur sportif, Varela, il est quoi, espagnol ou qu'il est quoi? Il est portugais. Portugais aussi. Bon, alors à la limite, ça fait deux. Est-ce que vous avez pas peur aussi qu'il y ait cette perte entre guillemets un petit peu d'identité? Il y a pas trop la place. C'est le réseau de Varela. Oui. Massia, il sera espagnol. Mais c'est le réseau de Varela. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Je parle de l'identité. Mais après, la volonté. De toute façon, à partir du moment où ton club passe sous bastion américain, ton identité locale, tu l'as perdue. Hein. Mais après, la volonté de Joe Grossa, ce qu'il a répété avant qu'il arrive, et même après, il a dit on compte aussi sur les anciens joueurs. Après, il a pas dit pourquoi. Hein. C'est peut-être pour servir le club. Quels ambassadeurs, quels anciens joueurs. Il compte sur Zidane et Giresse. Venez aider. Il a pas dit. Par contre, Baptiste, Trésor et compagnie, sortez. Nous, on veut du Zidane. On va avoir des ambassadeurs. On veut Vichke. Non, mais voilà. Bénard bien. Il a pas dit pourquoi. Après, si c'est pour non mais ça peut être ambassadeur. J'ai vu que tiens Dagrossa était en Belgique je crois dans la semaine. Il est dans la semaine pour pareil bah, vendre mais faire des académies vendre le club. C'est très bien. Ça c'est pas une mauvaise idée ça. Faire des partenariats. Non mais c'est vrai. Pourquoi on ferait pas des partenariats comme on a fait un peu avec le projet comme Monaco a fait. Comme Monaco ouais. Tu comme fais une académie en Belgique. Lille a fait avec Moucron. Moucron, voilà. Monaco, ils ont carrément racheté le club de Bruges. L'Atlético a racheté aussi un club, je ne sais plus où et je ne sais plus quand. Bah, ils ont racheté Lens. Bon, à l'époque, c'était Mamadov, mais bon, là, c'est un peu parti en truc. Bref, ouais, non, voilà, mais je m'interrogeais sur cette question de entre guillemets, manque d'identité. Non, mais. Oui. Appuie sur le bouton, alors. C'est bien de me le dire, mais il faut appuyer sur le bouton. Ouais, parce que ce que tu ne sais pas, Adrien, c'est que tu es en direct à la radio. Oui, je suis en direct. J'ai non. Le micro. Allez, on passe à la suite. Ouais, ça a scoré un petit peu en Ligue 2. Ça a mis des goals. Ça a mis des goals. Non, par contre, moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Rapidement. Rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, c'est bien. Du coup, le droit de la femme me fait penser à la Division 1. Et dimanche, les Girondines se déplacent au FCF 91. Donc, oui, c'est à Fleury, mais à Fleury. Voilà. Tout court. Donc, du coup, si vous avez de la famille en prison. Les Girondines sont 3e du championnat, donc ils vont sûrement jouer sur Canal+. Enfin, ou sur c'est un multiplex. Tous les week-ends, ils sont au moins en multiplex quand c'est pas le match principal. Donc voilà, allez les Girondines, parce qu'on compte sur vous, il n'y a que vous qui jouez quelque chose. Et non, d'ailleurs. T'as le classement Oui, mais il n'y a pas d'enjeu. 3e, t'es pas qualifié pour rien. Mais t'as 27 points donc t'as égalité non, et elles jouent Lyon bien elles sont 3e derrière Log les deux hommes Lyon qui a 49 Lyon, points et Paris Saint-Germain non non mais c'était ouais, l'objectif 22 points de retard sur la première oui. Et 20 points sur non, la mais je veux dire, c'était l'objectif à terme t'es premier entre guillemets t'es premier du championnat enfin j'exagère mais je veux dire elles sont premières de devant Montpellier c'est énorme déjà parce que devant Montpellier devant Paris FC maintenant qui était avant Juvisy voilà je cherchais le nouveau nom de Juvisy, Paris FC. Mais c'est quand même pas mal. À noter aussi, on parlait des femmes, les Girondins. Alors je sais pas si ça dure tout le mois de mars, mais ils ont mis une vidéo YouTube où ils ont fait une journée de la femme, enfin des droits de la femme. Et c'est aujourd'hui la journée des droits de la femme. Donc, mais ils font sur qu'ils ont fait un peu plus tôt, mais c'est le mois des droits de la femme. Avant. Mais c'est, je me demande d'ailleurs parce qu'il y a carrément une promotion sur tout le mois de mars. Devant le micro, Adrien, parce que là, tu vois, tu parles vers moi et on t'entend pas. C'est peut-être sur tout le mois de mars, vu qu'ils mettent le mois de la femme, je crois, dessus. Enfin, allez voir la vidéo sur YouTube. Il y a au moins un truc qui marche bien cette année. Et au moins un truc qui marche bien cette année, c'est la section féminine. Et Joe Dagrossa le dit d'ailleurs dans cette vidéo. Mais vous savez que c'est très très bon pour le développement si on veut développer le foot aux États-Unis. Il y a la Coupe du Monde féminine. Puis déjà, il y a la petite Viviane Assayi qui a joué avec l'équipe qui de va marquer le but et qui a marqué ce week-end dans la semaine en match amical contre l'Uruguay. Non, il a fait si elle fait une passe aussi. Ouais, voilà. Non, c'est intéressant ce qu'arrive à faire Bordeaux. Alors évidemment, on aimerait qu'il le fasse également avec les garçons. Puis il y a l'allemande ou l'autrichienne qui marque but sur but là, Pekel. Oui, qui est arrivé prêté par Paris. Prêté par Paris, qui est arrivé là. Hein? Polonaise? Je sais pas. Je vous cache pas que je sais une blonde, pas trop. Quoi. Je sais pas trop d'où. Déjà, c'est bien, je me rappelle de son nom déjà. Non, désolé, mais je suis pas spécialiste du foot féminin. Messieurs, il reste 20 minutes, 25 minutes. On va parler, t'inquiète, je l'oublie pas. Mais on va surtout parler de ce qui nous attend demain 20h au stade Louis II et là le retour de la musique qui fait peur. Hop, elle est là. Où elle vous angoisse cette musique? Parce que quand on l'entend, on sait qu'on va passer un sale moment, un moment donné dans le week-end. Oui, petit sondage, ça va venir. C'est sur le match? Ouais. Parfait. Et ben on va commencer direct par ça. Je vais vous donner les compos. Je vais vous donner les groupes. J'ai le groupe bordelais, le groupe monégasque qui a pas vraiment de surprise aussi bien d'un côté que de l'autre. Demain 20h donc à Louis de Bordeaux se déplace chez l'actuel 16e de Ligue 1, 26 points pour l'AS Monaco, évidemment en pleine renaissance après le licenciement de Thierry Henry et le retour de puis le rachat d'une équipe de Léonard Jardim. Je crois bien même qu'ils n'ont pas perdu, si je dis pas de bêtises. Depuis Jardim est revenu, peut-être genre un match. Il a fait un nul entre temps. Ils sont sur un nul. Ah si, ils ont perdu. Là, ils étaient sur 3 victoires et ils ont perdu. Ah oui, non, mais c'est les matchs à domicile. Donc c'est ça la dernière fois qu'ils ont dû perdre. Ils sont sur 3 victoires d'affilée à domicile à la maison. Donc il faut savoir que Bordeaux, c'est une équipe qui crée des séries pour les joueurs et qui les casse aussi. Donc nous, c'est logiquement, pas compliqué. On est sur 4 défaites à l'extérieur d'affilée. Voilà. Donc voilà. Mais par contre, on relance les équipes, mais on les coule aussi. Bah, on donc, a relancé Montpellier, Nantes. Sait-on jamais. Voilà, on a relancé Guingamp. Il n'y a plus de son, c'est normal ? Oui, parce que je parlais à côté. Ok. Donc, pensez-vous que les Girondins soient capables de faire un résultat ce samedi à Monaco ? Oui, c'est même pas une victoire, hein, c'est un résultat. Un résultat. C'est... Donc, ça comprend oui, la victoire à 18%. Le nul, en croisant les doigts, 22%. J'y crois pas du tout, 61%. Bon, mais l'optimisme, c'est l'optimisme girondin. Bah, en même temps, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Alors, les stats, pour parler que des stats, il y a eu 44 Monaco-Bordeaux dans l'histoire. Il y a eu 24 victoires monégasques, 16 matchs nuls, 14 victoires bordelaises. Est-ce que vous savez à quand remonte la dernière ? Mais quand on gagne 0-6. Non. Non, non. Non, non. C'est beaucoup plus 0-6. Ah mais non, c'était pas, en 2008. Non, c'était Ramé. Mais si, quand il y a Oaro et tout ça, non ah, non, c'est Ramé. Alors la dernière. C'est victoire, la dernière de Sagnol, la dernière saison de Sagnol. Des Girondins à Monaco. C'est la dernière 2015. Saison de Sagnol et où il y a Ramé, c'est avec Ramé. Et c'est pas une blague. C'est le 1er avril 2016. Bordeaux s'impose 2-1. Un but de Touré, de Thomas Touré et Ounas. Et c'est pas là où on voit ses parties. Fred Gilbert marque contre son camp à la 93e. Oui. C'est pas là où on voit Touré intimement. Non, c'est Saint-Etienne, ça. Je crois que c'est Touré, c'est son deuxième ou troisième match où on voit. Mais il se dévoile. Mais ouais, alors j'ai aucun souvenir. Et Touré qui fait but et passe sur ce match. Si, je crois qu'il y a un but. Enfin, bref, c'est assez. Wagner Love à Monaco. Monaco, ils avaient une équipe à l'époque, mon pote. Il y avait déjà Subasic. Mais ça galérait, l'année d'après, ils sont champions, c'est ça? C'est ça. Il y avait déjà Mbappé, qui est rentré 20 minutes à la fin. Et on s'en fout. Et il y avait Toulalan. C'est vrai. Il est arrivé d'abord à Monaco et après à Bordeaux, on est d'accord. Oui. Oui, puisque c'est l'année où ils font. C'est l'année où ils font. Mais en fait, ils font une. Non, c'est l'année où ils se ratent. Ils font une saison pourrie, alors, ils sont éliminés en Champions League, éliminés en Coupe d'Europe. On va accueillir. Allô ? Oui. Ah, t'es encore là, Tar ? Enfin, t'es revenu. Oui, là, je suis. Alors, pour te dire, Monaco. Pour vous dire à tous, là. Oui, dis-nous. Tout à l'heure, ils ont pour objectif, et la raison, je crois que c'est Adrien qui parlait, de refaire pratiquement l'équipe. Ah non, mais là, il est sur Monaco, Tar. Oui, je te remercie, mais je oui, précise. vas-y, rapide. Il voulait passer un message. Ça fait une heure que j'attends. Un message. Vas-y. C'est ça ? Et ils ont pour ambition de remplir le stade. Alors, ça veut dire qu'ils vont faire une équipe obligatoirement. Ah bah, ils vont acheter des spectateurs. Ça coûtera moins cher. Comme les Coréens, tu te rappelles pour non, mais je voulais intervenir pour ça parce que j'ai lu longuement. Entre l'OGP qui s'occupe de remplir le stade et les autres les acolytes qui veulent changer l'équipe, enfin, au moins 10 joueurs, paraît-il. Ouais. Et moi j'exclus les Adli et compagnie là. Ah en plus, on est d'accord. Oui, c'est en plus. Oui. Voilà. Ah, par contre, t'as Bélanova. Hein. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et pour demain, je sais pas pourquoi, je vois la victoire. Ouais, tu nous l'as dit tout à l'heure, ouais, que t'étais assez. Tu connais le buteur ou... Hein ouais. Tu vois qui c'est qui va marquer au camp. Je vais me risquer, Depréville. Oh, putain, c'est des gros risques. Et Glic, quand tu vois. C'est du gros là, c'est du lourd. Et Caramo. Et pourquoi carrément pas. Ah oui. Alors, je vais vous donner le groupe bordelais qui va se. Non, on va commencer par Monaco. Tiens, honneur à ceux qui reçoivent. Je suis sur le site off de l'ASM. Le groupe monégasque, donc Subasic et Benaglio pour les gardiens, il n'y a pas de surprise. Badia Chile, Balotouré, Henrix, Jemerson, Naldo, Sidibé pour les. Adrien, il y a un mec qui s'appelle Adrien. Adrien Silva. J'ai hésité à prendre son maillot s'il venait à Bordeaux. Aoulou et Chadli, Fabregas, Golovin, Endoram. C'est le fils de Jafet Endoram Je crois. Endoram, non, je ne sais pas. Falcao, Gelson Martins, Ronny Lopez, Silla et Vinicius. C'est le fils à Vinicius. Le point infirmerie quand même pour l'AS Monaco. William Goebbels est en soin. Georges Kevin Nkoudou et Pietro Pellegri sont en soin en réalisation. Et Stefano Vetic et Jordi Mboula sont en entraînement adapté. Que Jovetic soit pas là. Stéphane Goebbels. Jordi Mboula, il est en entraînement adapté. L'entraînement jongle. L'équipe de Monaco est donc l'effectif monégasque est donc quasiment, je dis bien quasiment au complet. Sébastien. C'est moi-même. Ouais, le gars que Bordeaux va acheter, il vient de marquer un but là. Alors, qui on veut qui le troisième. Ah, oui. Ah, le Mbouemou. Moi, j'arrive pas à dire son nom. Mbouemou. Bah, 3 faisait 0 contre Châteauroux. C'est quand même Guémo, mais c'est Mbouemou. Mbouemou. Donc, 3 mène 1-0 face à Châteauroux. D'ailleurs, on dit peut-être juste Mbouemou. Le groupe bordelais, messieurs, pour se déplacer à Monaco, Eric Bédoué a retenu donc deux gardiens, Costil et Poussin. Les défenseurs, ça change pas. Jules Koundé, si, ça change. Koundé, Pungé, Pablo, retour de Jovanovic, Palencia et Sabali. Mais pas Levchuk. Mais pas Levchuk. C'est vrai. Ça fait un moment qu'on le voit plus, Levchuk. Et il est blessé. C'est vrai. C'est pour ça qu'on le voit plus. Otavio, Sankaré, Tchouaméni, Adli, Youssouf et Basic. Retour de Zaïdou pour les milieux de terrain. Kamano, Briand, Kalou, Maja, Depréville, Caramo pour les attaquants. Retour de Kalou après la mésaventure arrivée à sa maman dans la semaine, qui s'est bien terminée heureusement. Donc il est concentré. Il devait faire un bon match, je pense. J'espère, le pauvre, parce qu'après ce qu'il a vécu cette semaine, c'était pas super cool pour lui. Et ça serait bien qu'il se remette un petit peu dedans. C'est quoi, pour, c'est la jungle là-bas ou quoi, putain. Bah, le Nigeria, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est comment Kanu avait eu des problèmes. Enfin, il y a pas mal de joueurs au Nigeria qui ont eu des soucis avec ça, malheureusement. Bon, ça s'est bien terminé. Il n'y a pas qu'au Nigeria, il y a quand même pas mal de pays. Il y a le Liberia, tout ça. Oui, l'Afrique, même l'Amérique du Sud aussi, ça rigole pas. Mais bon, ça c'est bien fini, donc bonne nouvelle, voilà, c'est cool, il va pouvoir être pleinement concentré sur son match. À l'infirmerie, tu l'as dit Adrien, Levchuk et Cornelius sont toujours blessés, et les choix de l'entraîneur, c'est toujours pareil. Mandanda, Prior, Sissoko, Ben Raoult, Lotin, Dumé, Diarra, Plazil. Plazil est dans les choix de l'entraîneur. Ouais, et Nilor. Donc messieurs, que doit-on attendre de ce match? Moi, perso, je vous le dis comme je le pense, je vous le donnerai dans les pronos, je ne vois même pas prendre un point. Dans l'état où on est actuellement, je ne vois pas comment, après ce qu'on a fait mardi, on pourrait faire quelque chose à Monaco. Je comprends pas. Disait quelque chose tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais quelque chose de juste. Toi ou Adrien, je ne sais plus. Non, ça devait être moi. Peut-être, oui. Ah, tu précises, là. Non, il dit des trucs bien, des fois. Ils savent que Souza est à Bordeaux depuis 14h, il a mangé à Bordeaux. À mon avis, on va se bouger le cul, les mecs, vous allez voir. Parce qu'ils voudront prouver. Mais attends, il va être là-bas, il va être à lui deux. Non, je pense pas. Si, si. Il va arriver avec un fusil. Personnellement, je trouve que ça serait bien qu'il y soit. Non, mais attends, moi j'ai lu ça sur le truc Girondin, qui sera à lui deux. Et moi, je te dis, rien que, il a mangé à 14h à Bordeaux, je voulais que, oula, dans quel restaurant. Et t'inquiète pas, que la France, c'est Sud-Ouest, tout ça, est au courant, les joueurs, ils le savent. Hein. Ben, j'espère. C'est ça que je, mais comme en plus, il est question qu'il aille à lui deux, je répète. Donc, tu verras, enfin, vous verrez déjà, on va regarder le match, mais vous allez voir le comportement. Oui, toi, entre guillemets, ce que t'espères, c'est que les mecs, sachant que bah, il est là et il va arriver, qui se sortent un peu les doigts pour faire bonne impression. Tu m'as posé une question, je t'en repose une autre. Est-ce qu'on a le même groupe, on a changé personne, on a acheté des gars, on n'a pas pris Zidane. Vous vous rappelez les matchs qu'on faisait avant? Avant quoi? Ce qu'on fait maintenant? Avant quoi? Ben avant cette série. En novembre. Avant cette série, la deuxième. Ah oui, pardon. Je m'explique. Oui, oui. Eh ben, on jouait quand même au football. Ouais, enfin, c'était pas tellement pour réjouissant. Oui, mais c'était pas le Real de Madrid, j'entends bien, ni le Barcelone. Mais oui, il y avait quand même, on voyait quand même quelques. Et tu arrives à planter des buts. Des bribes. Oui, mais tu plantais des buts et tu en prenais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui tu marques plus en début de saison. Tu marques pas, mais tu prends des buts. On est d'accord. Oui, mais parce que, alors, à mon avis, c'est peut-être un trompe-l'œil. Il y a beaucoup de matchs qui se sont joués sur des exploits personnels de Kamano, de Caramo et de Kalou. Combien de matchs on a gagné sur des frappes enroulées extérieures surface de ces trois-là? Brillant a mis sa petite, son petit paquet de buts. Il va arriver à 10 à la fin de saison. Écoute-moi, je vais te citer un match où tu vas vite être d'accord avec moi. Angers, tu as vu le match qu'on fait? Il est sérieux? On plein de buts. Oui, mais c'est un exploit à la fin de Caramo. Oui, mais tu me parles d'exploit, on est à l'extérieur, les gars. T'as vu comment vous avez tout à l'heure, vous avez souligné la victoire de Montpellier qui de même pas avoir de victoire. Oui. Nous on a été sérieux. J'en sais même pas le match nul. Angers tellement ils jouent bien, ils sont organisés, c'est des amours à glace. Et on a été sérieux. Ouais, mais on a ouvert la marche. Par exemple, c'est une action, c'est une belle action. Par exemple sur le match de demain, quand je vois ce que fait Gelson Martins, simplement pour te rappeler que c'est les mêmes joueurs. Oui, mais quand je vois ce que fait... Oui, le problème, c'est qu'en face, ça ne sera pas les mêmes joueurs. Parce que quand je vois ce que se fait Gelson Martins depuis qu'il est arrivé à Monaco et depuis que Jardim est revenu aux affaires, mais je suis désolé, moi, demain, je me demande, mais comment on va faire pour s'occuper de ce mec ? On n'a pas un gars qui lui arrive à la cheville en termes de vitesse et de tu le prends, écoute-moi, tu le prends en marquage, lui. Comment on va faire pour arrêter ce gars-là ? Non, tu le prends en zone. Non, mais attends, tu fais même pas de faute, tu le prends en zone, ce mec-là. Il est bon, je sais qu'il est bon, mais tu le prends au démarre, tu es sûr, si tu laisses 3 mètres, et tu es mort. Oui, mais ben c'est justement ça qui me fait peur. Mais c'est justement ça qui me fait peur, moi. Non, je sais pas pourquoi, je te dis. Mais pourtant, je suis plutôt défaitiste souvent. Oui, non, mais. Contre équipe. Là, je te dis, le facteur, comme tu disais à un de vous tout à l'heure, parlait de déclic. S'il n'est pas demain, il n'est plus. Mais on est bien d'accord. Si ou parce allez à la limite à Rennes, mais si moi je suis à 1000 km de chez vous, je suis au courant que l'autre il vient au lui deux. J'espère qu'ils le savent et j'espère que ça va les inciter. Sinon c'est à désespérer de ces mecs là. Attends, s'ils sont professionnels, que ils savent que le maître il a signé 3 ans, ils savent très bien que eux leur contrat il court au minimum 2 ans. Et puis ils le rendent sur le dos. Et puis faut pas se leurrer hein, avec la saison qu'ils font. S'il y en a qui veulent se barrer. Va falloir qu'il commence à montrer quelque chose parce que je vois pas aujourd'hui qui pourrait venir chercher un joueur des Girondins à part Costil et Briand il y a des joueurs en même temps, je suis pas sûr que ça soit un Camano par exemple, je suis pas sûr que ce soit parce qu'ils s'en foutent. Je pense que parce qu'il a, il y arrive plus. Camano, tout ce qu'il espérait, c'était être dans le camp d'en face. Non, mais c'est parce que je pense juste depuis 2 mois, c'est parce qu'il y arrive plus. Il est pas bon et il y a beaucoup de joueurs où c'est comme ça, où ils y arrivent plus. Il y a des joueurs qui se démènent sur le terrain et qui arrivent pas. Pungé faisait une saison correcte et puis d'un seul coup c'est retombé, il retombe dans ses travers. Et on en revient toujours pareil parce qu'ils sont noyés dans un, je maintiens ce que je dis, Maxime Pungé, tu le mets au Stade Rennais, je vous dis pas que c'est Lizarazu, mais je vous garantis qu'il est bien meilleur que ce qu'il fait là. J'en suis persuadé. Oui, c'est un marasme général. C'est un marasme général depuis 6 mois. Donc je sais pas si le changement d'entraîneur, si peut-être avec les discussions et tout ça. Mais rien que savoir. Mais regardez Monaco. Oui, non. Monaco, Camille Glick, jusqu'à janvier, il est l'ombre de Camille Glick. Et le mec, on lui change juste le coach. Non, mais je veux dire que le fait de savoir son coach en tribune, je pense, je suis pas sûr que ça soit un truc qui les fasse avoir le déclic. J'ai pas dit que c'était un magicien. Je dis simplement, si tu as joué un peu au ballon, tu sais que par exemple, le sélectionneur il vient, ou tu as le mec de tête action qui vient. Tu te donnes un peu plus. Toi, je suis même pas sûr que ça soit. Le problème, c'est que là, je suis même pas sûr que ça soit dans le don de soi. Je pense que c'est Adrien, dans la qualité. Adrien, dans le niveau de jeu actuel. J'ai vu des matchs de Bordeaux en début de saison qui étaient très bons. Alors, quand même. Là, c'est depuis que. Depuis la série de. Allez, je vais être gentil. Depuis la série de. Quand c'est pris Strasbourg, là, à peu près. Mm. Je schématise un peu. Mais sinon, j'ai vu de bons matchs de Bordeaux. Le problème. J'ai vu des actions et des buts. Le problème, il est même pas que Paulo Sousa il soit à Monaco ou il y est pas. De toute façon, présent ou pas à Monaco, Paulo Sousa, le match, vous inquiétez pas, il va le voir. Hein. S'il rentre en fonction la semaine prochaine, il va le voir le match. Putain, il aura les vidéos aussi. Et il va voir, voilà. Donc moi, comme dit Tahar, j'attends quand même de ces mecs-là qui montrent à leur futur entraîneur, présent ou pas physiquement, qui veulent coach. Vous êtes nouveau, bonjour, je me présente, je m'appelle François Carano, je m'appelle Yann Caramo, je veux jouer jusqu'à la fin de saison, je veux que vous me mettiez sur le terrain jusqu'au mois de juin. Moi, c'est ça que je veux voir demain. Et justement, tu le dis très justement, quelle est la meilleure façon pour qu'il te garde l'entraîneur ? C'est ça. Ce que tu te montres. C'est exactement ça. Et là, ça. Je regrette, nous avons toute l'équipe, même les remplaçants, ils font plus rien. Non, mais je suis là. C'est ça que je veux dire, et je regrette, c'est moi qui le dis, je les ai assez taillés pour le dire, et que là, c'est les mêmes joueurs qui ont fait de bons matchs. Mais parce qu'on baigne dans cette espèce de marasme là, on y est dedans depuis 5-6 mois là, avec Poyette, avec machin, avec truc. Mais la lecture que j'ai faite moi tout à l'heure, et vous-même d'ailleurs, dans mon studio, c'est que il parle de restructurer tout ça, le club. Et je veux dire, tous les jeunes là qui ont une carte à jouer, tu crois qu'ils vont le louper ? Ah bah, après, ça va être à eux de saisir leur chance. Il y en a un qui est le seul qui sera indéboulonnable, sauf qu'il y a une grosse offre pour Bordeaux, c'est le défenseur, j'oublie son nom. Koundé, c'est ça ? Voilà. Ouais. Et alors, pourquoi lui, il sort son épingle, quel que soit le match, il fait son match, le garçon? Parce que... C'est ça que je veux dire. Alors, on peut parler de marasme et tout. Moi, je pense que Camano, il était très bon jusqu'à cette histoire de transfert. Oui, mais après, c'est, je pense que c'est psychologique. Son agent ne l'a pas aidé, il a flingué. C'est... Il a flingué. C'est ça. Parce que si, tu imagines s'il était resté sur la trajectoire comme il avait commencé. Mais là, tous les gros clubs, ils le voudraient. Mais après, Camano, sur toutes ces saisons qu'il fait à Bordeaux, il ne fait jamais une saison constante. Ouais, puis il aurait fait des saisons constantes, il serait pas à Bordeaux. Mais l'an dernier, il a vu ce même trou au moment de l'hiver. La Bordeaux, aussi, bon. Il a des trous. Oui, non, mais... Tu pas jouer au ballon, qu'est-ce qu'il s'en passe? Des fois, tu as une série, tu as un déclic, tu as une chaîne. Et même, comme tu as de prévu, je suis persuadé que s'il met un pion... Ça serait bien de l'avoir rapidement quand même le déclic. Oui, parce mais, que... bon, mais voilà. Le déclic de Camano avec Paulo Sousa, oui, ça c'est possible. Non, mais alors il y a une chose que vous, enfin après c'est on dit je m'acharne, mais vous comprenez que ce que vous avez vu avant de François Camano, ce n'était pas son vrai niveau. Non, mais même la moitié. Dans le crâne, même... il était en surchauffe oui, total. Mais même la moitié. Total, il était en surchauffe. Même la moitié. Il fait la moitié de ce qu'il a fait. Si c'était son vrai niveau, il serait pas à Bordeaux, François Camano. Non, il serait à Lyon, à Marseille, à Monaco, mais à. Il serait pas à Bordeaux. Non, mais attendez, je vais un peu le défendre. Je vais un peu le défendre. On l'a pris à Bastia, quel âge il avait? 18 ans, 20 ans. Ouais, les noms de clubs que tu as cités, ils te prennent que des mecs aguerris et tout ça, mais c'est pas le même tarif. Non, mais attends, et Bastia, ils te l'ont vendu combien? 500 000 euros. 500 000 euros. Arrêtez. Non, mais parce que tu. Non, c'est parce que Bastia, tu les as saignés. Hein. Bon, après, ils deux fois. Bastia, on les a saignés deux fois avec Cazeri et Cazeri. Cyril, on t'a pas entendu sur. Non, mais attention, avec Bordeaux, on leur a toujours prêté des joueurs aussi. Cyril, on t'a pas entendu sur Monaco? À moins que t'aies rien à dire dans ce cas-là. Honnêtement, je sais pas. Voilà, c'est compliqué à voir. Moi, le seul truc qui me rassure, c'est qu'en général, contre les équipes qui font une bonne série, on arrive à les faire déjouer. Et du coup, dans le désordre, on arrive à être pas mal dans le désordre. Donc, si on arrive à faire déjouer cette équipe de Monaco qui retrouve des confiances, on peut peut-être les faire douter. Et du coup, nous, peut-être nous rassurer. Mais et puis en plus, le fait que ça soit à l'extérieur, qu'il n'y ait pas forcément d'ambiance. Il y a peut-être un truc qui peut le faire pour cette équipe-là. Après, ouais, moi je suis plutôt confiant. Genre, est-ce qu'on va ramener un point ou trois points, je sais pas, mais je pense qu'on peut ramener quelque chose. Je serais peut-être déçu, mais bon, en même temps, je mise pas grand-chose. Avec toujours pareil par rapport à ce qu'on a vu mardi et ce qu'on a vu le week-end d'avant à Nantes, de l'engagement, de l'agressivité. Évidemment. Et des moi, quand je vois le retour de Sankaré, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Moi, personnellement, Sankaré, bon, vous savez ce que j'en pense. Bon, je pense pas qu'il sera titulaire dans le direct. Moi, c'est le genre de joueur que, franchement, ça m'ennuie pas qu'il soit à l'infirmerie. non, mais alors, c'est complètement méchant et gratuit ce que je dis, non. Mais à un moment donné, des mecs qui marchent sur le terrain, qui font ce qu'ils veulent, qui est certes très talentueux, c'est peut-être le joueur mais le plus talentueux ça, le problème, de l'équipe. C'est que c'est dans ton milieu de terrain, c'est techniquement, c'est lui qui est au-dessus de tous. Quoi. Mais c'est le plus talentueux de l'équipe. Je vais même jusqu'à dire c'est le plus talentueux de l'équipe. Ouais. Non, sérieusement, je te jure qu'il a vraiment du ballon. Ça se voit qu'il tu a. Le vois, hein, dans les buts qu'il marque, dans les. Il a vraiment du ballon, il a quand même une inspiration, il a quand même, quelque chose. Il sent les coups sur mais les. Mais par sur contre, les je le trouve suffisant sur le terrain. Je le trouve irrespectueux de ses collègues parce qu'il fait aucun effort défensif de repli. Et quand il a pas envie, il a pas envie. Et moi, franchement, c'est un joueur qui te fout un bordel dans un 11. Et franchement, moi, cette année, c'est l'année de trop pour lui. Adrien. Pour moi. Non, c'est pas Adrien, c'est Cyril. Oh putain. Quand tu penses à Adrien, pense à moi. Et quand tu penses à moi, tu penses à Adrien. Mais c'est qui, toi? C'est Cyril? Oui. Mais non, c'est Marc. Marc, il est pas là ce soir. Vas-y. Marc, c'est ça? Non, Marc, il est pas là ce soir. Marc, il est pas là. C'est Cyril. J'ai dit Cyril, tu me dis Marc. Mais oui, mais là. C'était une blague. Ah, d'accord. On fait dans l'humour. Tu m'as coupé, je veux que je veux dire. Tu disais Sankaré. Ouais, Sankaré, écoute-moi. Alors, moi, je veux dire franchement ce que je pense. Je peux pas le voir, ce mec. Depuis qu'il a dit, qu'on l'a mis dehors, il a dit, moi, je pars avec lui, c'est fini pour moi. Mais il a jamais vraiment dit ça. Non, ça, c'est des trucs qui ont été relayés sur Internet, mais il a à aucun moment, il ouais, a dit, attends, je alors, pars écoute-moi, avec lui. Alors, il est encore plus con que la moyenne, parce que depuis qu'il est parti l'autre, je le trouve bizarre. Ça, après, voilà. Non, en fait, il est très inconstant. Il y a des matchs où il va faire. Attendez, le mec qui sent pas le comment dirais-je, qui se sent pas bordelais alors qu'il est payé par Bordeaux, je m'excuse. Ah mais... non mais ça, tard. Ça c'est très actuel. Ah alors attendez, puisqu'apparemment l'info vient de tomber à 21h50, c'est donc officiel. Ah oui, il y a deux minutes. Paulo Sousa est il y a donc 4 minutes. Officiellement le nouvel entraîneur du FC GB. Le club vient de l'officialiser. Je vérifie alors, quand même ce que Sam, je vous dis. Tes infos étaient sur le vendredi étaient justes. Non, oui. Bah, ils ont dit vendredi, on est vendredi. Ah, il est rassuré. Je suis... Ça a été samedi matin, voilà. Il aurait été emmerdé. Je suis rassuré, le club tient ses engagements. Je suis content. Je t'explique, il a mangé à Bordeaux à 14h. Je ne sais même pas s'il n'est pas depuis hier à Bordeaux. Ouh, méfie-toi, il y a une belle photo. Passer. Il y a une belle photo. Oui, elle est étonnante cette photo. Je ne sais même pas s'il n'est pas arrivé hier à Bordeaux. Ah, c'est possible. Écoute-moi, je t'ai laissé parler tout à l'heure. Sûrement, oui. Par rapport à la Roma. C'était Kourou Damas qui signait pas le contrat avec eux. Oui, bah, ah oui. Oui mais tu sais comment c'est. C'est des négociations. Non, mais je finis mon argument. C'était juste sur la proposition que lui fait Bordeaux et celle de. Elle ne lui convenait pas, celle de la Roma. Bordeaux lui faisait 3 ans, 2 ans avec oui, faisait un an et demi à la Roma. Et l'autre, c'est 18 mois ou 6 mois, enfin, 6 mois plus 12. Et ça l'intéresse pas parce qu'il aurait pu se faire la règle au bout de 6 mois. Surtout si Sarri était disponible. Et hier, il n'est pas allé à Porto. Oui, il devait y aller. Avis, il devait y aller et il n'y est pas allé au dernier. Mais il est à Bordeaux. Oui, t'es à Bordeaux. Oh, sûrement, c'est pas Porto, oui. C'était Bordeaux. Ouais, mais c'est pareil, c'est du on reste vin. Dans le pinard, quoi. Ça, c'est l'âge du vin. C'est... Messieurs, on va conclure sur Monaco et puis on va conclure l'émission tout court par les pronostics. Hein? Jingle. Ah, attendez. Hop là. Voilà. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors, ton prono demain tard. Toi, t'es optimiste. Moi, je suis très optimiste. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai dû fumer un joint. Avec modération, évidemment. Non, c'est surtout que je ne fais pas, moi, tu vois. C'est surtout que je ne fais ni clope, ni rien du tout, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai lu cette information, je dis, c'est pas anodin. S'il va là-bas, lui, je pense qu'on nous brale, là. Tu vois, chambre, un signe. Il va se bouger le cul. Je ne sais pas pourquoi. Là, on ne cadre pas les buts. Là, il faudra les mettre. Et je ne sais pas pourquoi, je les vois planter les buts demain. Donc, et alors, je vous donne mes buteurs. Donc, bah, de Préville. Donc Caramo. 2-0, ok. De Préville, okay. Caramo. Non, on va prendre un pion. Hein. Alors 2-1. Comment tu t'appelles? Adrien. Oui, bonjour. Bah, je me présente. 1-1. Ton 1-1, oui. Voilà, 1-1. Avec pas un but de. Pungé. Ouais, mais rigolez pas, la frappe ouais. Qui met contre ah ouais, Montpellier, si elle, celle-là, elle mérite de rentrer. Elle est pas si loin. Si, si cadre, il peut marquer parce qu'il est trop de bâtard. Cyril, ton pronom 0-1, but de Glick contre son camp. Oui, le club a mis sur Twitter ou sur Facebook, je sais pas, une petite vidéo de 35 secondes. Alors, moi, j'ai juste, il y a un message qui m'a plu. Alors, je l'ai retweeté avec le compte de GA. De Ligue des Champions, quand même, gagné. Et je vais le dire à l'antenne, je vais citer ce tweet que j'ai beaucoup aimé. C'est Girondin Polska, donc Paulo Sousa, Trenerem Girondin Sto. Tu vois, donc, du coup, moi, ça m'a fait plaisir. Paulo Sousa, mais c'est qui fait un bon boulot en plus. Pour les plus jeunes, c'est quand même une carrière de joueur qui est juste exemplaire. Mm. De Ligue des Champions remportée, donc c'est quand même une certaine expérience. Oui, mais... aussi des matchs un petit peu. Voilà. Après, on a beau. C'est pas parce qu'on est un bon joueur de football qu'on est un bon entraîneur, mais. Regardez Zidane. Par exemple, Maradona. Les gars, vous vous rendez compte qu'on aurait pu être le Paris Saint-Germain du Sud-Ouest? Oula, on l'est déjà. Oui, mais est-ce que, on est que le Paris Saint-Germain de l'Aquitaine. Mais est-ce que Paris aurait pu être le Bordeaux de Non, écoute-moi, tu te rends compte qu'il y avait le projet des Zidane avec les Chinois? Oui, mais ça, c'est faut. Non, mais tard. Méfie-toi de ce que... De ce qu'on entend et de ce qu'on lit sur Internet, moi, j'ai aucune certitude que les Chinois ils voulaient vraiment venir avec Zizou. Écoute bien, je vous ai dit. Zidane, il est 40% dedans et en plus, il s'occupe du sportif. Oui, il veut racheter les journées. Mais écoute, nous n'avons faire, aucune certitude. Mais l'homme d'affaires, Rachid, je sais pas trop quoi, oui, qui travaille avec Pérez, du Real de Madrid. Tard, tu n'as aucune certitude que, d'un, ça aurait marché et de deux, c'est du vent, là. On parle sur des suppositions. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la fiction. Non, écoute-moi, pour que l'autre prenne 40%, tu peux être sûr que tu es tranquille avec Zidane. Moi, je connais pas. Cite-moi un club en Europe, et je parle même pas dans le monde, en Europe, qui a des résultats et qui est tenu par des Chinois. Tu peux chercher, il n'y en a pas. Mais c'est là où je veux en venir. comme Zidane prend 40% et le sportif, bah, rien que lui, Zidane fait venir les mecs à pied à Bordeaux. Oui, mais... Je sais que moi, je suis dégoûté. Rien que le fait que... Et tu sais quoi, je vais t'expliquer pourquoi j'y crois. Parce qu'à un moment donné, ça a couru nos bruits. Ils ont vite étouffé M6. Mais M6, ce qu'ils voulaient, c'est 100 millions. Ah bah, ils les ont eu, au final. Oui, que... oui mais Zidane et ses acolytes, les Chinois, je crois que ça parlait de 60. Et puis c'est pas fini, tard. Les GACP, ils seront pas là pendant 20 ans. Ça se trouve, dans 5 ans, ils revendent le club. Ça se trouve, dans 2 ans, ils sont plus là. Là où le projet tenait la route, c'est que tu avais un mec dans le sportif qui s'appelle Zidane, quand même. Et on aurait fait machin des c'est pas fini, tard. Zizou, la vie est longue. Faut arrêter de regarder dans le passé, même si c'est plus là. Là, on a un nouveau coach qui a quand même gagné 2 fois la Ligue des Champions comme joueur. Alors, c'est certainement pas Zidane au niveau coach. Non, mais après, on va quand même laisser le crédit. Moi, ce que je retrouve là depuis 10 ans, c'est que c'est pour la première fois, j'ai l'impression de voir un projet qui se dessine. Oui. Donc, et c'est vraiment la première fois depuis le titre que j'ai vraiment l'impression d'avoir des hommes qui sont en bonne place. Et là, t'as un coach qui est dans l'air du temps. Et en ce moment, l'air du temps, c'est les nouveaux coachs, Tourelle, costard cravate, c'est fini les jogging, quoi. Voilà, c'est les nouveaux coachs qui ont la 40-45 ans, qui sont jeunes, ils sont frais, ils amènent des nouvelles idées. Oui, bah, enfin, aujourd'hui, dans la moyenne, je veux dire, c'est les Tourelle. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est les Tourelle, c'est les Guardiola, c'est les gars comme ça. Oui, bon. C'est les mecs un peu, voilà, comme tu dis, un peu costard cravate, machin. C'est fini les vieux coachs sur 55, 60 ans, 65 ans. C'est un directeur d'entreprise, voilà. Mec. Il est là, il dirige 5 gars. Non, voilà, ça travaille pour lui. Ça te parle déjà de. Je sais pas si vous. Il y a eu un super article dans Sud-Ouest où il commençait à parler d'analyse de comment on appelle ça, des performances et compagnie, des trucs qui sont utilisés aux États-Unis, qu'ils utilisent notamment dans le football américain, le basket et compagnie. Mais le problème, c'est que ces sports-là sont des sports de statistiques. Le football n'est pas un sport de statistiques. Mais ils sont en train de professionnaliser le truc et il y a de plus en plus de clubs de foot qui arrivent. Ouais, mais moi, non, c'est raté. Il veut peut-être parler avec Sébastien. Oui, c'est oui. Oui, Cyril, j'allais dire. Oui, tard. C'est bien. J'ai lu aussi un truc qui va dans ce sens qui est intéressant. C'est que Grosza, dans la semaine, il était en Belgique. En Belgique, tout à fait. Partenaires. Tout à fait. Non, mais ça, je sais qu'à l'international, il se bouge le cul. Franchement. Ils sont en train de restructurer, même en Gironde, là-bas. On va pas vous dire que les anciens présidents et propriétaires ne le faisaient pas, mais. En tout cas, s'ils le faisaient, ils le faisaient pas savoir, ça. Qu'ils allaient à droite, à gauche, chercher des partenaires, des financements, des machins, des trucs. À un moment donné, on était quand même vachement impliqué en Afrique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on a fait au Gabon. Quel argent, sans vouloir être désagréable, Cyril, quel argent ils ont à mettre les Africains dans un club de football, non, sans vouloir être méchant. Non, mais par contre, c'est des détections. C'est des réseaux. Mais faire une académie, je vais te dire un truc, alors, en Afrique, alors, ça peut t'aider. Regarde alors, le Metz. Alors, je vais essayer de dire les choses sans être méchant et désagréable. Comment dire? Il y a peut-être un podcast. Non, hein, je m'en fous qu'il y ait un podcast. On a le droit de dire les choses quand même comme on l'entend. Mais vas-y, je suis désolé. Tout souvent quand même. Moi, je veux bien qu'on s'implante dans un continent, la Chine, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, ce que vous voulez. Mais à un moment donné, moi, c'est pas ça que j'attends des Girondins de Bordeaux. J'attends des Girondins de Bordeaux qu'on achète des bons joueurs de football. Donc si c'est pour me retrouver. Attends, des joueurs qui viennent d'Afrique, je suis désolé, on en a suffisamment eu et on en a encore en France. Alors, il y en a certes des très bons, je suis désolé, il y en a quand même des très moyens. Excusez-moi. Tu regardes le Metz, regarde, ils ont sorti Sadio Mané, ils ont sorti Papi Cissé. Mais pour quel résultat, ils sont en Ligue 2, Metz, Cyril? Ouais, pour quel résultat? Mais imagine s'ils n'avaient pas eu. Ça leur fait une belle jambe. Imagine s'ils n'avaient pas eu. Oui, oui. Sébastien, c'est moi. Alors, je vais t'arrêter de suite. L'erreur bordelaise, et je vous suis depuis, moi c'est 40 ans que je suis Bordeaux quand même, il y a de très bons joueurs en Algérie. Oui, avant que Brahimi parte, on aurait pu l'acheter, nous. Moi, je comprends pas, on nous parle d'Afrique, sous-entendu Afrique noire, je comprends pas qu'on n'envoie pas des gens au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte. En Algérie, t'as un club qui est magnifique au niveau de la formation, c'est le Paradou. Mais seulement, aujourd'hui, le Paradou, c'est très compliqué. Mais le problème, tu sais quoi, Paradou. Je te rappelle que Courbis, à un moment donné, il était à Alger. Il avait mis trio sur un mec, un joueur algérien. Ils ont même pas fait la démarche. En Égypte, il y a des super joueurs de ballon. Au Maroc, en Tunisie, et non, on va pas les chercher. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Le football est universel. Il est tunisien, Kadri. Parce qu'il a fait sa formation à Bastia. Oui, mais c'est Bastia qui est allé chercher, Kazri. Moi, j'espère vraiment que les mentalités vont changer avec les Américains. Parce que tu sais très bien, il y a quand même un truc. Allez, terminé, 22h, on a dépassé, on s'arrête dans là. Dans tous les continents, t'as de bons joueurs, tu vois. On est d'accord, espérons qu'on soit assez bon pour aller les trouver. Merci beaucoup, Tar, on te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et un bon match demain. Ouais, à vous de même. Ciao. Allez, merci. Ciao. Messieurs, on va se quitter là-dessus. Voilà, donc c'est officiel. Bordeaux a un nouvel entraîneur. Enfin. Et donc, un entraîneur qui peut parler. Et un entraîneur. Oh, putain. Alors, est-ce qu'il parle français, Paulo Sousa? Je pense pas, non. Mais bon, avec un. Il a beaucoup voyagé. Il a voyagé, mais il n'a pas des dans un. Non, mais c'est toujours pareil dans la mouvance des nouveaux coachs, un peu genre Tourelle, machin, qui arrive et qui parle un peu. Oui. Pour communiquer, c'est quand même plus pratique si d'entrée tu parles un peu. Après, est-ce qu'il y en a beaucoup qui parlent français dans l'équipe? Oui. Messieurs, donc les phrases de fin. Adriano. Il parle pas anglais, quoi. In Camano, we trust back. With Paulo Sousa. Ouais, allez. C'est pas du tout anglais, ça se trouve. Non, c'est pas anglais, je te le dis. Ouais, j'ai. Attends, mon tweet. Il a un truc à vendre. J'ai beaucoup aimé ce tweet. Mais prends le temps, on a le temps. C'est un tweet de Bosca. On a le temps, t'inquiète, on a le temps. On est large. On est tranquille, y a pas de match ce soir. On va peut-être rentrer à un moment donné quand même, mais. Demain, donc 20h Louis II. Effectivement. Si le match n'est pas reporté à cause de la grève des gilets jaunes à Monaco. Et vous vous souvenez de ce tweet de, de Cyril qui était très très bien. Bah lequel parce que. Mais on attend. Déjà moi j'ai pas. Ça y est. Le tweet de Girondin Polska parce que j'ai beaucoup aimé. C'est Paulo Sousa Tredirem Girondisto. Donc ce qui veut dire bienvenue aux Girondins, sûrement. Mais sûrement ça. Qu'on salue, vu qu'il représente. Non, mais parce que voilà. Non, j'aime, franchement, Girondin Polska qui fait un super travail. Ouais.